les champions, putain. On est les champions. Non mais tu le crois ça? On est les champions. Non mais c'est fou. Pour le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Et bonsoir à tous, vous êtes bien sur le 102.2 FM et sur Radio Campus Montpellier. Vous retrouvez votre rendez-vous hebdomadaire sportif comme depuis 5 ans maintenant, Sport déjà. And Chill, déjà 5 ans avec Tim, on était des débuts. Des pionniers. Hein. On retrouve aussi Tom à la technique avec nous, après Arnaud. Ouais, pas que Laurent Pionnier, effectivement, voilà. Mais il y a des pionniers autour de cette table, avec certains aussi qu'on a beaucoup vus l'année dernière, en tout cas relativement régulièrement. Tout d'abord, donc, Tim qui s'est présenté à vous, comme chaque semaine, et qui est là depuis longtemps, quoi, un pilier. Ça bouge pas. Hein. Puis ensuite, on a Corentin sur ma droite. Toujours présent, toujours debout. Toujours la banane. Jules pour nous parler rugby et volley notamment ce soir. Ouais, bonsoir à tous. Ensuite, on a deux nouveaux et puis une fois n'est pas coutume, enfin nouveau, il y en a un qui vous a déjà fait une petite apparition dans Sport & Chill une seule fois si je ne me trompe pas ou... Oui, c'est ma deuxième titularisation en deux saisons, donc une par an à peu près. Facundo Piriz. un transfuge que nous ramène Corentin. Et puis enfin, Tariq, qui est plus un habitué par contre de Radio Campus Montpellier, même si c'est sa toute première à Sport & Chill. C'est ça, je devais vous... Déjà, bonjour, bonsoir à tous. Et oui, je devais vous rejoindre l'année dernière, mais malheureusement, j'avais quelques engagements sportifs. Handball, par exemple. Handball, oui. J'ai une énorme blessure grâce à ce sport. C'est l'hécatombe en ce moment. Voilà, Guillaume Lavalle s'est fait les croisés avec le handball, toi qui te casses l'avant-bras. Je me suis cassé le scaphoïde, enfin fracture du scaphoïde. Donc voilà. Eh bien écoute, c'est un plaisir de faire découvrir nos auditeurs pour le rendez-vous du lundi soir. Toi qui as eu l'occasion d'animer la rubrique sport des matinales l'année dernière, notamment, je t'ai entendu à plusieurs reprises. Oui, c'est ça. C'était beaucoup plus dans la découverte du sport. J'allais pas être dans l'analyse d'un match ou quoi que ce soit. J'essayais de beaucoup plus faire connaître des gens comme le football américain, des sports qu'on voit pas trop à la télé, même si on parlait de foot, puisque beaucoup de gens aiment le foot, c'est le sport le plus populaire du monde. Donc, mais voilà, j'essayais de parler d'un peu tous les sports. Côté ludique, plutôt. Voilà, côté ludique, j'expliquais un peu les règles, genre la Ligue des Champions, comment elle se passe. Mm-hmm. Voilà, c'était beaucoup plus de l'initiation pour les gens. Après, il y avait Enzo qui était avec moi, donc on se lançait un peu dans des échanges un peu plus techniques, on va dire. Et des échanges techniques, je ne doute pas qu'on va en avoir ce soir, avec un beau programme qui nous attend, notamment trois mini-débats, c'est notre nouvelle formule que vous connaissez maintenant cette année, dans nos anciens résultats de la semaine, avec un débat consacré à la Coupe du Monde de rugby qu'animera Jules. On parlera bien sûr de l'Eurovolley qui avait sa phase finale jouée en France à l'Arena à Bercy, également du football avec la Ligue 1. Finalement, c'est la troisième émission et c'est la première fois qu'on parlera concrètement de la Ligue 1, même si la semaine dernière, on avait eu l'occasion de parler des clubs français. Ce championnat qu'on adore détester. Hein. Ouais, voilà. Et qu'on suit d'autant plus avec MPG aujourd'hui, dont on vous reparlera à plusieurs reprises cette année. Ensuite, notre rubrique résultats Montpellier avec un focus de nouveau deux semaines d'affilée sur le MHSC. Mais il faut dire que l'actu est forte pour ce club de la ville, avec notamment le derby Montpellier-Nîmes qui nous a forcément ravis. Un débat de la semaine sur les championnats du monde de cyclisme et d'athlétisme, et puis le triptyque habituel final, le quiz, l'agenda de la semaine 100% montpelliérain, et puis un son de la semaine. Je vous en laisse la surprise, et tout de suite, ne prenons pas plus de retard que cette fois-ci. On a été un petit peu fort sur ce point-là, et on passe tout de suite au résultat de la semaine. Débat Sport and Chill. Les résultats. Donc je vous disais trois débats qui vont nous occuper ce soir dans cette première partie d'émission. Et un premier qui va être de coutume en cette période, hein, jusqu'aux vacances de Toussaint sans doute, c'est la Coupe du Monde de rugby, mais cette fois-ci on va moins parler de l'équipe de France qui ne jouait pas cette semaine. Jules, vas-tu nous parler? L'équipe de France était de repos et depuis un petit moment maintenant, ils ont eu 11 jours de repos, ils joueront mercredi matin contre les États-Unis. Mais cette semaine, il s'est quand même passé des choses au Japon pour cette Coupe du monde de rugby, notamment avec nos amis japonais qui affrontaient l'Irlande, archi favorite de cette poule A, et qui, un peu à la surprise générale, ont réussi à les battre 19-12 après un match d'une intensité rare. On ne pensait pas qu'ils allaient tenir autant de temps la dragée haute à cette équipe irlandaise qui souffrait quand même de l'absence de son maître à jouer, Sexton. Et à l'issue de ce match, les Japonais qui prennent la tête de leur poule et qui laissent un peu des Irlandais, les Irlandais qui avaient battu les Écossais précédemment, qui se sentaient un petit peu forts, qui avaient peut-être un peu trop fait tourner, et qui se retrouvent à la fin du match à la 80e à taper en touche pour conserver un point de bonus défensif. Ouais, c'est fou ça. J'ai pas compris. Bon, après, il était dans son embut de Carberry, c'était dangereux pour lui de tenter quelque chose. Peut-être que ce petit point-là fera la différence sur la fin. Ça leur donnera peut-être raison. Alors après, voilà, les cartes sont rebattues dans ce groupe. On a vu tout à l'heure la victoire ce matin des Écossais avec le bonus contre les Samoans. Je voulais voir avec vous, selon vous, qui c'est qui va sortir dans ce groupe ? Parce qu'à la base, on parlait même qui c'est qui va sortir avec l'Irlande, mais maintenant, c'est qui c'est qui va sortir. C'est assez rebattu, même si je ne doute pas que les Irlandais sortiront certainement. Mais là, on a le Japon, on a l'Écosse. Bon, les Samoans, je les vois clairement en dessous. Mais selon vous, qui c'est qui va sortir de cette poule A ? C'est très tendu, en tout cas moi dès la première émission j'avais annoncé que le Japon serait un outsider important dans cette compétition et notamment dans cette poule que je trouvais assez ouverte avec une équipe écossaise joueuse mais qui fait face souvent à ses limites, hein, qui a eu des difficultés même s'il gagne finalement avec le bonus offensif à battre les Samoa aujourd'hui. Bon, le score en témoigne pas sachant qu'ils se sont imposés quand même 34-0, ce qui montre que les Samoans que j'avais noté éventuels arbitres de cette poule ne le seront après. Pas, mais on a trois spectateurs équipes plutôt. pour deux places par contre en quart de finale, l'Irlande, le Japon et l'Écosse, et il est vrai que c'est difficile maintenant de savoir qui va être le plus susceptible de passer. Moi j'avais annoncé que le Japon-Écosse serait la finale pour la deuxième place derrière l'Irlande, mais les Japonais que je sentais fort m'ont par contre d'autant plus surpris en battant les Irlandais. Maintenant, on va avoir un match déterminant contre l'Écosse la semaine prochaine. Oui, le prochain match c'est bien Japon-Écosse du coup. Japon-Écosse, ouais. Ok. Je crois que ce sera le dernier match Japon-Écosse. Le Japon joue les Samoa avant. Il me semble. De ce que j'ai vu, c'est possible. Je t'avoue que j'ai pas vérifié le ce programme. Ce qui arrange carrément le Japon, parce que du coup, il laisse l'Écosse et l'Irlande s'affronter. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, effectivement, c'est une indication importante. Pour la gestion, ne serait-ce que du match, au moins, ils pourront jouer carrément libérés contre les Écossais. Vous pensez finalement que quelle équipe européenne a le plus de chances de sortir ? Clairement l'Écosse, de ne pas sortir, hein, je veux dire, de sortir de la compétition. Pour moi, c'est l'Écosse. Tout simplement parce que je connais pas forcément bien le rugby, mais si je connais bien quelque chose, c'est l'Écosse. Et l'Écosse, c'est un peu comme la France, on parle beaucoup de la Fédération française de la loose. Et ben la Fédération française écossaise de la loose, elle est pas dégueulasse non plus. J'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont faire un bon match et ils vont s'écrouler dans les dernières minutes. Et comme a toujours fait l'Écosse, si on se rappelle, il y a 4 ans, l'Afrique du Sud, ils avaient fait ça. Il y a quelques années, en football, ils étaient pas loin de gagner l'Angleterre, ils se sont écroulés dans les dernières minutes. Ouais. L'Écosse est comme ça. Et j'en suis persuadé, ils vont s'écrouler. En tout cas, on verra ce qui va se passer dans cette poule. Alors, je parlais d'exploits. Il y en a eu un autre cette semaine avec cet Uruguay-Fidji qui a vu l'Uruguay gagner la plus belle victoire de son histoire en Coupe du Monde en battant les Fidjiens 30-27. Une victoire qu'on n'a pas forcément vu venir après la première partie des Fidjiens contre les Australiens où ils nous avaient enchantés pendant 60 minutes avant de s'effondrer un peu sur la fin. Et là, ils les ont peut-être pris un peu de haut à ces Uruguayens en faisant beaucoup tourné, un gros turnover et une charnière notamment qui a pris l'eau, une charnière côté fidjien qui a laissé pas mal de points au pied. Et au final, quand on voit qu'ils perdent que 2-3 points, on peut avoir des regrets là-dessus. Et dans cette même poule, le Pays de Galles a battu l'Australie hier matin, pareil, un gros match. Et ils ont eu chaud les Gallois. Très costaud défensivement. Très costaud. Ils ont notamment pris l'avantage assez tôt. À la mi-temps, je crois qu'ils tournent avec plus de 15 points d'avance. Et ensuite l'Australie qui revient en deuxième mi-temps, qui grappille, mais qui au final est un peu courte pour venir battre ce Pays de Galles là. Le Pays de Galles qui s'impose 29-25 et qui prend la tête de la poule du coup. Ce que je voulais voir avec vous, c'est pour en revenir aux Fidjiens, parce que c'est vrai qu'ils ont été surprenants contre l'Australie en bien, on va dire. Ils ont été aussi surprenants contre l'Uruguay en médiocre. Est-ce qu'on peut s'attendre à un exploit des Fidjiens face au Pays de Galles ? Moi, pour le coup, j'y crois pas trop. Non, j'y crois pas trop. Je pense que dans les têtes, ce match contre l'Uruguay a fait vraiment mal aux Fidji. Ils ont fait une grave erreur, c'est clair, en faisant tourner de cette manière-là face à cette équipe d'Uruguay. Après, sur le papier, qui était clairement l'équipe la plus faible, ils avaient deux gros rendez-vous à jouer, le Pays de Galles et l'Australie. Mais comme quoi, en Coupe du Monde, il faut laisser aucun match au hasard. Ils ont pris un petit peu de haut cette équipe, qui a réalisé une performance assez exceptionnelle quand on voit derrière comme ils se sont effondrés face à la Géorgie dans le match suivant. Et je me demandais, on en avait parlé lors de la première émission aussi, quel était le véritable niveau de cette équipe galloise. Et ce week-end, elle a vraiment montré de très fortes garanties en battant cette équipe d'Australie. Et je crois, à l'image de ce que m'a dit Alex, un autre de nos chroniqueurs avec qui j'ai parlé aujourd'hui de la compétition, que le Pays de Galles peut même aller assez loin dans cette compétition. Après, les Fidji, c'est une équipe imprévisible. Et ça reste, malgré tout, on parlait des équipes du Pacifique, la meilleure des trois. Et quand on voit le visage qu'ils ont montré pendant 60 minutes contre l'Australie, on est en mesure de se demander quel est le véritable niveau de cette équipe. Je sais pas ce que vous pensez. C'est vrai qu'il y a un petit point d'interrogation. Je pense que, comme tu l'as dit, Jules, ils ont pris vachement de haut cette équipe d'Uruguay. Ils ont été un peu battus à la grinta, à l'envie, à la combativité. Dans les duels, ils en ont perdu beaucoup. Après, c'est vrai qu'ils peuvent vraiment s'appuyer sur ce premier match contre l'Australie. Après, l'Australie, peut-être qu'ils n'ont pas joué non plus leur meilleure partition contre les Fidji, mais c'est aussi dû à la prestation des Fidjiens, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est une balance qui est finalement à l'équilibre zéro, mais c'est très dur de se positionner, parce que un premier gros match contre une très grosse nation du rugby qui est l'Australie, puis un premier match très décevant contre une équipe d'Uruguay, c'est que sa deuxième victoire dans toute son histoire, faut quand même le rappeler. Je pense que moi, la balance va plutôt pencher, je serais plutôt d'accord avec toi, Romain. Je pense que ce match, psychologiquement, va plus faire douter les Fidjiens que leur dire ok, on a les forces pour gêner une équipe comme l'Australie, donc contre les Pays de Galles, on peut faire quelque chose. Surtout que jeudi ils vont jouer les Géorgiens, ça va être un beau test. Je sais pas, après ça dépendra de ce qu'ils vont, l'envie qu'ils vont y mettre. À mon avis, ils seront un peu plus remontés, les Fidjiens. Mais après, c'est deux oppositions de style, avec les Géorgiens plutôt forts devant et les Fidjiens virevoltant derrière. Pour en revenir justement à ces Fidjiens, tu parlais des équipes du Pacifique qui sont un peu en détresse dans ce début de Coupe du Monde, donc avec les Tonga et les Samoa. Selon toi, Romain, enfin Tim, je pose la question à tout le monde, c'est dû à quoi? Quels facteurs vous pouvez mettre en avant pour parler un peu de on va dire qu'ils ont vraiment du mal, ces pays du Pacifique, à briller là où ils nous ont habitués à vraiment mieux, notamment les Samoa, à une époque qui arrivaient vraiment à rivaliser. Là, on a vu que contre l'Écosse, c'était vraiment compliqué, c'était brouillon. Faible techniquement, et à part leur engagement physique, ils n'ont rien d'autre à proposer, et c'est ça qui est dommage. L'Écosse a été très approximatif en première période, et pourtant les Samoa ont été incapables d'en profiter. Ils n'ont aucune occasion d'essai sur le match, si en toute fin de match où ils sont pas loin de sauver l'honneur à un moment donné. Parce qu'il y a un relâchement aussi en face. Vraiment, lorsqu'on parle de sauver l'honneur, on voit que c'est plus une équipe capable de peser dans la compétition. Et moi, je trouve même peut-être que les Samoa sont devenus l'équipe la plus faible des nations du Pacifique. Bon, ça se joue un petit peu avec les îles Tonga. Les Fidjiens surnage, j'en ai parlé avec Guillaume, qui est notre deuxième expert rugby, qui lui suit beaucoup la sélection géorgienne, vous le savez. Il dit que l'équipe fidjienne, s'il n'y a pas de pluie sur ce match, risque de faire qu'une bouchée de la sélection des Lelos géorgiens, et que cette équipe a un fort potentiel. C'est vrai que lorsqu'on voit les joueurs sur le terrain, il y a quand même de la qualité. Oui, il y en a pas mal qui jouent en top 14, notamment. Il y en a un paquet qui jouent en top 14 et qui sont les animateurs. Ça, c'est justement ce qu'on retrouve pas trop chez les Samoa et les Tonga, des joueurs qui jouent. On retrouve plus dans les Samoa et les Tonga par rapport à une autre époque. À haut niveau, ouais. Et pour le coup, ces Fidji, on peut se demander, est-ce que oui, ils ont vraiment le talent, etc. Guillaume, lui, me dit que oui. Moi, quand je vois ce qu'ils étaient capables sur les dernières Coupes du Monde, il faut rappeler qu'ils ont été quart de finaliste de la Coupe du Monde de 2007. Je les trouve plus non plus à ce niveau-là. Je pense que ce sont des sélections, pour être plus général et répondre à ta question, qui s'éparpillent un petit peu, qui sont perdues un peu face au rugby professionnel sur l'équilibre à trouver. Et quelque part qui se sont retrouvés aussi contraints dans leur manière de jouer par ce rugby professionnel, et qui ont perdu un peu, je trouve, de la folie qu'ils avaient. Je pense qu'ils ont essayé aussi d'amener cette rigueur là qui fait la différence avec les grosses équipes, et qui justement, et comme tu dis, ont perdu l'essence même du jeu, qui eux, c'est le jeu à 7 avec beaucoup de mouvements. et de prise d'espace. Et là, ils ont voulu un peu se mettre au niveau des autres nations, au niveau de l'organisation. Et c'est peut-être pas ça qui va dans leur sens. Je voulais rajouter un petit truc sur ces équipes du Pacifique, juste pour parler de dans les 31 Australiens et dans les 31 Néo-Zélandais. Alors, dans les 31 Australiens, il y en a 12 joueurs australiens qui sont d'origine du Pacifique, qui ont un parent, qui sont nés là-bas. Ça fait 33%. Quoi. C'est ça. Et dans les 31 Néo-Zélandais, il y en a 8 qui sont d'origine aussi du Pacifique. Donc ça ils ont été pillés aussi. Hein. Qu'ils ont été pillés. Ou voilà, ça c'est pareil, un peu comme on a avec l'Afrique au foot, qui souvent souffre de ça. En général, voilà, quand c'est des pays un peu pauvres, on a affaire à des migrations, et du coup, il y a des joueurs qui sont d'origine du Pacifique, par exemple, qui jouent notamment pour la France aussi. Hein, on a Raka et Vakatawa, ouais, et qui pénalisent entre guillemets les sélections du Pacifique. Ouais, et c'est vrai que ce sont des sélections qui ont peu de programmes de développement, une structure plus faible et qui font face à une forte concurrence. Ça peut paraître étonnant parce qu'on se dit que ce sont des sélections nationales, mais les Néo-Zélandais, les Australiens sont très forts pour dénicher les pépites et savoir les naturaliser à temps. Et puis un dernier élément quand même que Guillaume m'avait signalé qui est important, c'est aussi ces nations du Pacifique qui s'investissent beaucoup sur les autres rugby, et notamment le rugby à 13, je pense au Tonga ou au 7, on pourrait le dire pour le Fidji. Pour les Fidji, on pourrait penser que ça permet de rehausser leur niveau, et finalement c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire que ces rugby-là deviennent très populaires et importants pour eux, ils sentent qu'ils peuvent réaliser des performances et ils s'investissent un petit peu plus sur ce champ-là, ce qui peut être parfois au détriment du 15, il me semble. On va passer à notre seconde rubrique, si c'était bon pour toi, c'est Jules. On verra pour la France, effectivement, match quand même à suivre, je le rappelle, ce mercredi matin contre les États-Unis, qui était en péril face au typhon au Japon, mais qui devrait finalement être joué. Ouais. On l'espère parce que les règles UCI, j'allais dire UCI, tiens, je suis sur le World prochain rugby. Débat, World Rugby, sont un petit peu critiquables et surprenantes. La France jouera s'ils parviennent à se qualifier en quart de finale, soit contre l'Australie ou le Pays de Galles, d'où l'importance du match qu'on a vu le week-end passé. On passe à la Ligue 1, on terminera peut-être plutôt sur l'équipe de France de volley, et okay, avec une rubrique qui nous est concoctée donc par Tim et Corentin, top flop de la Ligue 1, je vous laisse la parole les gars. Ouais, on avait envie de faire un focus sur le début de saison de Ligue 1 et faire une sorte de baromètre un petit peu de ce début de saison. On est à la 7e journée, la prochaine journée sera la 8e du coup. Et on voulait faire un peu un état des lieux des forces en présence, quelles sont un peu les déceptions, quelles sont un peu les révélations, finalement voilà, les top et flop au niveau des équipes, des entraîneurs, des joueurs. Je vais peut-être laisser, on va faire du négatif au positif, je vais te laisser Coco commencer par ceux qui nous ont plutôt déçus. Ouais, donc je vais faire l'oiseau de mauvaise augure. Une fois n'est pas coutume. Hein. Ouais, une fois n'est pas coutume. Donc en gardien, j'ai mis Ruffier, qui est assez décevant. Là, il a perdu sa place. C'était Moulin qui a joué contre Nîmes, qui a été plutôt bon d'ailleurs. En défenseur, j'ai mis un petit focus sur Lyon, hein, parce que bon, bon c'est tu peux. Un peu compliqué ce début de saison. Hein. Donc Andersen, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, je crois entre 25 millions, donc 25 millions, quand même, ouais, c'est un sacré budget pour Lyon. C'était un peu un pari, et on se retrouve avec quoi? Avec ce bon vieux Marcelo qui est là pour apporter du physique, mais qui n'est pas très bon. Donc se faire prendre sa place par Marcelo, c'est quand même un peu inquiétant. Sans être exhaustif, j'ai aussi mis, on aurait pu mettre aussi à peu près toute la défense de Monaco en début de saison, mais j'ai mis Glick, parce que bon, lui, ça fait quelques saisons que c'est compliqué. Au milieu, j'ai mis ce bon vieux Renato Sanchez, donc on n'a pas vu bon depuis quand? Depuis quand on l'a pas l'Euro vu bon 2016. Depuis l'Euro 2016. Ouais, ça c'est un peu dur, parce que je trouve qu'il n'a pas joué assez de matchs avec Lille, mais c'est un peu dur de mettre en flop. Normalement, lui aussi, c'est 30, à mon avis, c'est entre 30 et 35 millions, je dis ça de mémoire, mais je vois pas comment tu peux pas t'imposer quand t'es censé être Renato Sanchez à Lille, quoi. Enfin, t'as une sorte de statut. Ouais, mais bon, il est en perdition, je pense, ce joueur. Ah oui, mais il est en perdition, mais c'est flop sur flop, quoi. C'est, alors, je demande à lui, c'est du temps, quand même. D'accord. Ta demande sera étudiée. J'espère. Et en attaque, on avait mis Traoré, hein, Bertrand Traoré. Oh, je pense que trouver un défenseur de Bertrand Traoré, c'est un peu comme trouver un défenseur de Jordan Amavi, très compliqué. Et aussi, j'avais voulu souligner Radonjić. Alors ça, c'est plus discutable peut-être, mais je trouve que les 10 millions qui ont été posés, donc il y a de ça un an, font qu'il arrive toujours pas à s'imposer. Je comprends pas trop ce joueur. On l'a jamais vraiment trouvé bon. Après, il a eu un début compliqué dès son premier match. Il a fait une grosse erreur. Et bon, voilà. Ouais, non, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, quelles sont un peu les équipes, les entraîneurs, les forces en présence au début de saison de Ligue 1 qui vous ont vraiment déçu ou que, sur lesquels on avait placé une attente et qui n'ont pas réussi à atteindre, hein, tout simplement. Non, en tant que déception, moi, déjà, je suis supporter de Monaco, donc je suis bien placé pour parler. Ouais, t'es dans le pouvoir, là. Défensivement, c'est une catastrophe. Ouais. Ils ont pris, moi je mettrais Lecomte en déception. Parce qu'il est mieux depuis 2-3 matchs. C'est vrai qu'il a fait, il a fait gagner des points récemment, mais sur ce début de saison, bon, il a pas été aidé par une défense impériale comme il pouvait l'être à Montpellier. Mais sur ce début de saison, ouais, il a eu vraiment du mal. Et toute la défense de Monaco, c'est même dur d'en citer qu'un seul parce qu'ils ont tellement fait de turnovers, essayé des formules. Ça marche pas, donc après le but au foot c'est de marquer plus de buts que l'adversaire, donc ouais, faut se baser là-dessus. Diego Simeone n'en penserait pas autant, mais c'est une philosophie qui... Moi je mettrais je parlerais d'un entraîneur si c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Moi c'est l'entraîneur de Lyon, je suis Silvino, le petit Silva. Enfin, je vais peut-être être un petit peu critique, mais je suis désolé, Lyon mérite un entraîneur un peu plus parce que moi, je le connais en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, il n'a pas grand chose. Ah. Il est venu du Brésil. Mm. Il parle pas français parce que ouais, c'est le barrière pour l'instant. La langue est quelque chose d'important quand on est entraîneur, même si tu as Juninho avec toi qui peut faire un peu le traducteur. Et voilà, c'est vrai qu'il nous a un peu surpris les premiers matchs. Ils avaient fait des. On s'est dit voilà, Lyon, ils vont être le concurrent numéro 1 de Paris. Mais après. Enfin, j'ai vu deux matchs, je les avais vus face au Zénith un petit peu, et j'avais vu un match de champion. Ouais, c'était... Genre, même moi, pour eux, j'ai peur mercredi, parce qu'à Leipzig, ils peuvent se prendre 5-6. Ah, oui. C'est une équipe... Peut-être pas 5-6, ouais. Mais 2 ou 3, oui. Voilà, parce que franchement, Leipzig, ils sont très forts offensivement, ils ont une attaque de folie. Et comme tu as dit, ils ont Andersen, il y avait beaucoup de clubs qui étaient sur lui, mais bon, qui étaient ces clubs-là? À part Lyon, je pense qu'il était vraiment un grand club. Voilà, moi je mettrais une petite croix rouge pour l'entraîneur lyonnais et un peu pour Aulas. Il nous a promis un grand entraîneur. Bah, ouais, si c'est Silvino. Voilà, il aurait pu prendre un entraîneur français, je pense. Un grand entraîneur français. Il aurait très bien pu prendre Laurent Blanc. Laurent Blanc était là pour venir en préambule. Et puis il a changé de stratégie. Il a choisi une stratégie interne lyonnaise. Là, j'ai lu qu'il va possiblement se rabattre sur Rudy Garcia. Ah bon, peut-être que c'est ce que j'ai lu sur internet. Ouais. C'est possible que ça va marcher avec Rudy Garcia. Moi, même si défensivement Rudy Garcia c'est pas trop son point fort, c'est le problème un peu de Lyon. C'est ce qu'il avait un peu aussi le problème à la Roma où il prenait vraiment des valises contre les grosses équipes. Voilà. Pour moi, je pense que Lyon ils ont un bon effectif. Ils ont fait un assez bon recrutement. Même s'ils vendent Fekir pour 25 millions, je pense que c'est du gâchis. Ouais, ils peut-être pu le vendre plus cher et aller au Betis aussi. C'était un peu un choix de carrière un peu bizarre. Mais voilà. Moi, je mets la croix rouge sur Sylvain. Ça se comprend. Pas sur les joueurs. Et je pense, alors, on va passer au top pour avoir peut-être le temps de les évoquer. Peut-être que laisser réagir Flo. Flo réagit sur ce point. Très rapidement, je ne vais pas ajouter beaucoup de choses. Je vais pas, juste quelques petits bémols. Par exemple, Tawar, je pense que ça a été très vite jugé. C'est juste qu'il souffle un peu le chaud et le froid depuis le début de saison. Pour réagir sur Ruffier, j'ai entendu dire qu'il y avait une blessure à la main, donc bon, pour lui donner une excuse, mais c'est surtout que je suis d'accord sur le fait que ce soit un flop dans le sens où c'était un des piliers de la Saint-Etienne et qu'il se retrouve dans une situation catastrophique et il fait partie du lot de joueurs qui est pas au niveau habituel. Et comme Berich, qui au final a eu sa chance plusieurs fois et il montre vraiment ses limites, hein, qu'il est toujours aussi désespérant. C'est, parce que c'est soit lui, soit Diony. Voilà, son remplaçant est Diony. Donc sans en ajouter. Il y a une carence d'effectif là. Il y a vraiment des vainqueurs à ma vie. C'est le vainqueur de ce flop à ma vie, hein, clairement. Ah oui, oui. Pour la main. Voilà. Côté joueur, effectivement, et en tout cas, tu fais bien de le dire à travers de Ruffier et Berich. Si on a mis un point négatif à l'OL, en plus, qui avait réalisé, mais bon, on pouvait s'y attendre aussi, qui est un peu trop vite de l'enflammade, deux belles premières journées qui se sont effondrées. Ouais, il faut être patient. L'AS Saint-Etienne, donc les deux clubs du Rhône, sont vraiment. Là, ça nous promet un beau derby, en dimanche. Grosse difficulté. Le dramatico. Et ouais, ça va être un derby un peu dramatico la semaine prochaine entre des joueurs qui sont pas à leur niveau actuellement, mais ce sera intéressant à suivre. Je te laisse parler les tops peut-être. Ouais, on va parler de ce qui nous réjouit un petit peu plus, les étoiles montantes de ce merveilleux championnat qu'est la Ligue 1. Alors moi en équipe j'en ai noté 3. J'ai noté bien sûr j'ai pas cité Paris parce que c'est la normalité d'être numéro 1 quand vous avez cet effectif là. J'ai noté Nantes, Angers et Reims qui sont des équipes qui pour moi me surprennent dans le positif. Reims qui est l'une des meilleures défenses de Ligue 1, quand on voit les 4 alignés derrière, c'est des 4 noms qu'on connaît pas forcément, et pourtant c'est un club qui travaille très bien, qui recrute très bien aussi. Angers, c'est vraiment une force collective, ce club qui se fait toujours dépouiller l'été. Ils ont perdu Nicolas Pepe, ils ont perdu Jeff Reyne-Adélaïde, qui était quasiment leur demi meilleur joueur, et on voit que l'institution perdure, le message du coach passe toujours aussi bien. Et Nantes, qui est une bonne surprise, qui sans son meilleur joueur Valentin Rongier, propose du bon jeu et défend aussi très bien. En entraîneur avec Coco d'un commun accord, on avait choisi du coup de mettre Stéphane Moulin, parce qu'il dispose d'un effectif quand même très limité. C'est un club qui perd chaque année ses joueurs, et on voit que le projet continue de s'installer positivement, que le message passe aux joueurs, et c'est quand même remarquable qu'il soit si haut dans le classement de Ligue 1 quand même. On verra si ça dure, mais en tout cas pour l'instant c'est quand même à souligner. Après, au niveau des postes, moi en gardien j'en ai noté deux. J'ai noté Sels, le gardien de Strasbourg, qui était déjà connu pour être un bon gardien l'année dernière, qui a sorti notamment un gros match contre Montpellier. Ça va mon coco, toujours debout. J'ai noté Rajkovic aussi, une grosse trouvaille de Reims. C'est un très bon gardien. Si vous l'avez à MPG, en tout cas, il me régale. Hormis cette semaine. Il est passé au travers. Qui était un joueur qui jouait en D1 israélienne et qui jouait même pas en fait. Donc c'est oui, alors, fou à quel point. Non, mais à savoir que c'était un champion du monde U19 avec la Serbie il y a 2-3 ans de ça, et qu'il était réputé pour être très fort avec plusieurs gros clubs. L'OL voulait le recruter à l'époque. Voilà. C'est tombé au-dessus. Pour la petite anecdote. Belle trouvaille. Ouais. En défenseur, alors pêle-mêle, je vais citer Bernat, Alvaro González de l'OM, qui était vraiment, jusqu'à sa blessure, une très bonne satisfaction du côté olympienne. Thomas Fauquet de Reims, très bon arrière-droit. Même si j'aime pas ce joueur, je vais le citer. J'ai Nicolas Palois, qui est solide avec Nantes, faut le dire. Oui. Et puis l'indéboulonnable, inoxydable, Vitorino Elton, toujours là, toujours debout. Une défense à dire Zakarian finalement. Une défense qui bouge pas, hein, c'est solide. 5 joueurs. C'est solide. Au niveau des milieux qui m'ont satisfait, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai noté bien sûr Idrissa Gueye de Paris. Une stat qui est assez incroyable. À chaque fois qu'il a joué avec Paris, Paris n'a pas encaissé de but. Donc c'est dire son abattage défensif quand même. J'ai noté ensuite Jonathan Ikoné du LOSC, Kamavinga, la grosse pépite de Rennes qui n'a que 16 ans, qui est une étoile montante du foot français, je pense. Hier sera encore un gros match. Homme du match contre Marseille, homme du match contre Paris, c'est très fort. J'ai noté après Abdoulaye Touré aussi de Nantes, qui est plutôt une bonne satisfaction. Et ensuite en attaque, les joueurs qui ont plutôt été efficaces devant les buts, pour moi la plus grosse surprise c'est Habib Diallo de Metz, qui dans un club qui ne produit rien dans le jeu, il n'a pas de ballon, le mec arrive à marquer 6 buts. Il met plus de 80% des buts de chapeau buts monsieur de Metz, quoi. Cette année. En plus les buts qu'il met, il faut les mettre. Osimhen du LOSC, qui est une énorme pépite chinoise en Belgique, dont on ne sait où, et qui ils vont le revendre 50 millions lui. En plus, nation montante du foot européen, ça va bien se vendre. Et ensuite, je suis obligé de citer Dembélé à Lyon, qui, malgré les mots de l'OL, est celui qui est un peu surnage, qui arrive quand même à planter 6 buts. Et ensuite, j'ai noté aussi Ben Yedder de Monaco, qui est une bonne recrue. Tu peux rajouter Slimani. Hein. Je crois qu'il a 4 buts et 5 passes décisives en 5 matchs. Exactement. Surtout ses passes décisives, hein, qui sont très importantes. Quand on voit ce qu'il fait ce week-end encore, et il est là. Et dans une moindre mesure, mais Flo là, me le précise par message privé, et pourtant il est là en soi, les Lillois effectivement très, très bons devant, on parle d'Osimhen, mais même alors dans une moindre mesure, mais Luis Arojo depuis 3-4 matchs très bon début vraiment, de saison, où il n'est pas toujours titulaire, mais lorsqu'il joue, il est efficace. Même Benjamin André. Benjamin André au milieu pour remplacer c'était Thiago Mendes, c'est ça, ouais. Et c'est une très bonne recrue, ils l'ont pas pris très cher en plus, donc c'est une très bonne recrue. Je sais pas si tu avais un autre commentaire ou une petite question. J'avais une équipe type des satisfactions, mais je peux la donner s'il faut. Mais donne-la pour conclure cette rubrique. Du coup, en gardien, je passe au volet rapidement. En gardien, je mets Rajkovic, arrière gauche Bernat, arrière droit Fauquet, en défense centrale Hilton, Thiago Silva, au milieu Kamavinga, Ikoné, Gueye, et en attaque Dembélé, Osimhen, Ben Yedder. Une belle équipe, et du bon recrutement MPG, mais bon, vous ne pourrez pas tous les avoir non plus. L'équipe à avoir MPG, oui. On passe au volet, on retrouvera forcément notre belle Ligue 1 dans les prochaines semaines. Au volet, l'Eurovolet qui se jouait notamment en France concernant sa phase finale et puis les matchs, vous en rappelez, qui étaient à Montpellier pour la poule de la France. Et donc je laisse la parole à Jules. On se demandait si on pouvait se satisfaire du parcours de l'équipe de France. une compétition qui a été remportée par la Serbie. Par la Serbie. Et c'est vrai que l'Eurovolley a vu son dénouement dans la dernière semaine. Mardi dernier, les Français jouaient en quart les Italiens. Ils les ont sèchement éliminés 3-0. Donc là, on commençait un petit peu à s'enflammer devant un Alix XL de Nantes plein à craquer, 8000 spectateurs. Est venu le temps de la Serbie en demi-finale à Bercy, cette fois-ci à la Corotel Arena, devant 12 500 spectateurs. Donc on parlait un peu des salles vides. Là, cette fois-ci, ça a été une belle réussite populaire. Une défaite 3-2. Une défaite 3-2 en demi-finale contre la Serbie, où certains sont un peu passés à côté de leur match. Les Serbes qui, au final, finissent champions d'Europe en battant la Slovénie 3-1 en finale. Et ce qui est très français, bien sûr, on perd la demi-finale et on ne va pas chercher la médaille derrière. On perd 3-0 sèchement contre la Pologne pour finir à une belle quatrième place. Fédération française de la Loose, bien sûr, sponsorisée. Un petit retour sur cet Eurovolley en France. Au final, je vais faire mon mea culpa parce que c'est vrai que j'avais parlé de l'affluence dans les salles. À Nantes, ça a fait deux fois guichet fermé, 8000. Je parle des matchs de l'équipe de France. Deux fois 8000 personnes et pour Bercy exactement pareil, 12 500 personnes. Donc pour le volley c'est très bien. On a vu quand même une équipe de France au rendez-vous malgré cette quatrième place, même si on parlait on disait qu'il fallait passer peut-être absolument par une victoire pour que ce sport soit un peu plus médiatisé. On a commencé un petit peu à en parler à partir des demi, moi je trouve, au niveau des médias français. Notamment, on a vu un Stéphane Boyer, pointu de 23 ans, qui a été vraiment à très bon niveau, même s'il passe un petit peu à côté en demi-finale sur toute la compétition. Et surtout, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la demi-finale a fait 1,7 million de téléspectateurs sur la chaîne L'Équipe et un pic à 2,1 millions, ce qui constitue le record historique d'audience pour L'Équipe. Donc, ce qui montre que ce sport intéresse intéresse de plus en plus. Justement, la question que je voulais vous voir avec vous, que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on retiendra finalement de cette équipe de France ? Est-ce qu'on retient le beau parcours et le presque sans faute jusqu'en demi-finale, ou est-ce qu'on va retenir justement ces deux derniers matchs où on craque un petit peu en demi-finale et on craque totalement dans la petite finale ? Je pense que c'est un bilan assez mitigé. Il y a eu comme tu le dis, à partir des quarts, un engouement médiatique, puisqu'il y avait le France-Italie qui est toujours un duel un petit peu prisé. Voilà, une belle rivalité avec nos amis italiens. Mais c'est un parcours qui est mitigé parce qu'on fait un sans faute jusqu'en quart contre les Italiens qu'on bat deux fois, qui est quand même une grande nation du volley. Et après, je trouve que la prestation contre la Pologne ainsi que celle sur la Serbie ne sont pas abouties. Pour moi, ce tie-break contre la Serbie, c'est une défaillance collective. Je sais pas, on est complètement passé au travers. On prend 5-0. T'as l'impression que les mecs, ils ont réussi le quatrième set, ils sont posés sur leur laurier, et après tu peux pas prendre 3-0 contre la Pologne, c'est interdit à domicile, c'est une débâcle, je suis désolé, la Pologne c'est une meilleure nation, 3-0 à domicile t'as pas le droit. Après je peux comprendre aussi, à domicile tu veux gagner quoi, la déception à mon avis a été énorme. Ouais voilà, mais donc au moins sauver l'honneur contre la Pologne ça aurait été un moindre mal je pense. Donc, ouais, enfin pour moi c'était gagné ou rien quoi. Voilà, ouais on l'avait dit en plus. Ouais, je pense par contre qu'il y a eu, tu nous répondras sur ce sujet, il y a eu une grosse déception effectivement forcément de la défaite en demi-finale, et je pense, même si c'est pas normal quelque part, qu'ils ont un peu lâché, en tout cas assez vite contre la Pologne pour la médaille de bronze, alors qu'ils étaient passés vraiment proches de la qualification en finale. Contre la Serbie, l'équipe de France est l'équipe qui a le fait le plus douter finalement, cette équipe serbe, qu'en penses-tu ? Je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit jusqu'à présent. Effectivement, c'est l'équipe de France qui a été son pire ennemi dans cette compétition. On voit les premiers matchs, ils semblent intouchables. Même ce match de poule face à l'Italie qui était déterminant, sans complexe à Montpellier, avec une grosse ambiance au passage, ont vraiment permis de passer ce cap. À nouveau, ce quart de finale contre l'Italie, où j'ai senti l'équipe de France déjà pleine de chance, c'est aussi un facteur important, avec une réussite complète et des Italiens complètement défaillants qui lâchent au troisième set en sortant carrément tous les titulaires, en abandonnant le match, clairement c'est ce qui s'est passé. Et puis arrive cette demi-finale où la Serbie a clairement imposé son rythme, et ça c'était très important. J'ai l'impression que chaque point durait 10 ou 15 secondes de plus que ce qu'on avait vu contre l'Italie, que les Serbes maîtrisaient complètement le rythme de ce match et que la France s'est laissée porter et n'a pas su réagir parce que jusqu'à présent ils n'avaient jamais été mis en difficulté. Et puis on reparle du facteur chance parce que y en a toujours. Quand on voit, je crois que c'est au troisième set, la France qui fait une grosse remontée avec une série de services qui se finit au final par un mordu à 24-23. Je trouve que c'est un peu ça a été un moment marquant de cette équipe de France qui, face à la pression, craque complètement. Et du coup, bon, Fedel Lalouse, je vais être un peu plus modéré là-dessus. Moi, je trouve que l'équipe de France a bien appris de cette compétition. Le fait que ça soit domicile, c'est une bonne chose. Au passage, bonne note à cette organisation de l'Euro qui a favorisé des équipes comme la France, la Slovénie, peut-être à domicile, mais qui a montré que c'était possible d'organiser et de sublimer une compétition d'un point de vue supporter à ce niveau-là. Effectivement, une belle compétition et j'espère que vous avez quand même profité et apprécié le spectacle de cet Euro. C'est vrai que voir du volley à si haut niveau, c'était plaisant, mais forcément, on se montrera déçu de ne pas avoir vu la France décrocher au minimum une médaille. Et puis même, on le disait, il aurait fallu une victoire pour mettre plus la lumière sur le volley. Le prochain rendez-vous pour les Français, ça sera du 5 au 10 janvier 2020. C'est ça, sûr. Dernier TQO pour se qualifier au JO de Tokyo. Un tournoi qui sera en Allemagne, donc on sera notamment confronté à l'Allemagne, la Bulgarie. Et la Serbie, non ? Non, la Serbie se sont qualifiés du coup, vu qu'ils ont gagné l'Euro. Ah oui, quand tu gagnes l'Euro, t'es qualifié. Il me semble, ouais. Il y a la Serbie qui est déjà qualifiée, la Pologne et l'Italie côté européen. D'accord. Et du coup, on sera confronté à l'Allemagne, la Bulgarie ou encore les Pays-Bas. Donc je pense que c'est dans nos cordes, mais attention parce que c'est en Allemagne. Et la Bulgarie aussi. L'Italie est qualifiée. Et Bulgarie, normalement c'est dans nos cordes. Pourquoi par exemple l'Italie est qualifiée et pas la France ? Parce qu'il y a eu un premier tournoi de qualification international suisse. En fait, il y a deux tournois de qualification au JO, un premier international et l'autre par continent. D'accord. Donc là, on va jouer. On n'a pas réussi à se qualifier par le tournoi international. Donc là, on va se qualifier via le. Il me semble qu'il y a une histoire aussi. L'Italie est vice-championne olympique et ça lui donne un espèce de droit, de passe-droit soit directement, je ne sais plus exactement. Soit sur les TQO qui suivent avec des placements vraiment favorisés comme accueillir le TQO ou voilà, donc c'est l'Italie profite de son titre de vice-championne olympique. Ce qui reste relativement logique dans la perspective des JO. Tu avais une remarque, oui. Tariq Moi, on est un peu déçus parce que la France a perdu, mais moi je trouve que la Serbie est une excellente équipe. C'est sûr. Et moi je pense que pour beaucoup d'équipes, enfin beaucoup de pays, des pays de l'Ouest, faut faire attention. L'ancienne Yougoslavie revient en force. Au basket, champion d'Europe, c'est Slovène. En volley, c'est Serbe. Au hand, on va voir en janvier. Ça peut être peut-être la Croatie. La Serbie, ils ont une assez bonne équipe. Le Monténégro. On les a un peu oubliés, cette partie du monde, parce qu'ils ont eu un peu des conflits politiques, etc. La Serbie au basket, au JO, je pense qu'ils peuvent aller accrocher une médaille. Bon, les États-Unis, s'ils envoient leurs extraterrestres, la médaille d'or, je pense qu'elle est un peu pour eux. Voilà. Mais pour les deux autres médailles, ça va être... ils ont été très bons. Moi, j'ai bien aimé les Serbes au championnat du monde de basket. J'avais même mis une pièce sur eux, malheureusement. Ils sont tombés sur une grosse équipe d'Espagne. Mais voilà, je pense qu'il faut faire vraiment attention à cette... parce que si le Yougoslavie, les anciens pays du Yougoslavie reviennent comme dans les années 70-80, ils ont dominé pendant des décennies. Et les pays comme la France, l'Espagne, voire l'Italie vont se contenter que de 4e, 5e place. Ouais. Donc il faut faire attention, il faut travailler, parce que ces pays-là travaillent aussi. Donc je pense que ce sera intéressant à suivre dans les prochaines compétitions internationales de sport collectif. On va terminer cette rubrique débat de la semaine, débat des chillers, résultats de la semaine. On verra comment on finit par l'appeler. On a du retard, donc on va être assez rapide sur le sport montpellier. Je vais essayer de donner de la place au MHSC. Tout de suite, jingle sport montpellier. Sport and chill, le sport montpellier. Et avant notre première pause musicale dans moins de 10 minutes, un retour sur l'actu en bref des clubs de la ville. Exceptionnellement, il n'y aura pas de réaction sur les différents clubs que j'aborderai. Je laisserai du temps plutôt sur la petite rubrique MHSC de Corentin, qui sera peut-être un peu moins longue que la semaine dernière. On va essayer d'aller à l'essentiel, mais les clubs montpelliérains sont bien sûr très importants dans notre émission. Tout d'abord, le bilan. On avait en plus beaucoup d'équipes qui ont été engagées dans cette semaine. semaine du côté de Montpellier. Un bilan plutôt positif, effectivement, avec 7 victoires, 1 nul et 4 défaites. Donc ça faisait 12 matchs pour les équipes de Montpellier tout au long de la semaine, si j'en oublie pas, hein, on ne peut pas être toujours exhaustif. Tout d'abord le MHB qui est bien lancé depuis 2 semaines. Ils enchaînent avec 2 victoires ô combien importantes. En championnat, nous les avions quittés sur une victoire dans le classique face à Chambéry. Les Montpellierains jouent toujours à se faire peur en Lidl Star League en début de saison, mais ils sont parvenus de nouveau à ramener la victoire sur le terrain de Tremblay en France sur le score de 26-25 pour le compte de la 4e journée de championnat. Montpellier est désormais 3e ex aequo avec le HBC Nantes derrière Aix-en-Provence, auteur d'un très bon début de saison, et le PSG Handball. Et surtout, le grand moment de cette semaine pour le MHB, c'était la 3e journée de Ligue des Champions, et nos joueurs confirment qu'ils sont un sacré client dans la plus grande des compétitions européennes, avec une victoire face aux Hongrois de Veszprém, un des favoris de la compétition, sur le score de 23-18. À noter notamment 2 superbes performances, celle du gardien Marine Sego, auteur de pas moins de 20 arrêts, et Melvin Richardson, j'ai envie de dire toujours lui, 8 buts au cours de cette rencontre. Montpellier actuellement 3e de la poule B et prend de l'avance sur ses poursuivants avec 2 victoires et 1 défaite derrière les Armadas de Kiel en Allemagne et du Vardar Skopje. Je sais que Tariq est féru de handball, dans les prochaines semaines je le laisserai un peu plus développer, mais juste peut-être un petit mot du MHB, oui, le seul club dont moi, on parlera c'est... avant le MHSC. Comme tu l'as souligné, moi c'était la prestation du gardien. Alors là, j'ai rarement vu un gardien, on va dire, bon, il y avait peut-être tiré au meilleur à l'époque, il pouvait sortir de ce genre de prestations, mais en Ligue des Champions, il a été... Il y a plus de 50% d'arrêt. Voilà, c'est une recrue, c'est ça ? C'est une recrue. Oui. Personnellement, je ne sais pas d'où ils l'ont ramené, je n'ai pas cherché sur Internet, ou j'ai juste, bon, à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'il l'avait dans le centre de formation, mais a priori, non. Non, un joueur recruté. Ouais, ça a été un joueur recruté, et... Voilà, moi je mettrais juste excellente performance du gardien. C'est quasiment lui qui fait gagner l'équipe, hein. Bon, même si l'équipe a très bien joué. Et voilà, quand t'as un très bon gardien, c'est un peu 50% de l'équipe. S'il est énorme, c'est ce qui a été un peu la France pendant des années. Ils avaient un tiré au meilleur. Tu pouvais à la limite ne pas défendre et tu savais qu'il allait faire les arrêts. Voilà. Sur deux. Super gardien. Exactement. Il est quoi comme nationalité du coup ? Je crois qu'il est croate. Si je me trompe pas, je suis quasi sûr de moi. Donc encore les Balkans au rendez-vous. Ouais, dans le reste de l'actu à Montpellier, on reviendra donc sur les masculins du MHSC. Mais tout d'abord, les féminines, les Payadines ont repris la marche en avant après leur défaite contre un concurrent direct, les Girondins de Bordeaux, lors de la précédente journée. Les joueuses de Montpellier se sont imposées à domicile ce week-end contre l'équipe de Dijon sur le score de 6-0, avec l'ensemble des buts marqués en seconde période. Les Montpelliéraines reprennent la 3e place de D1 féminine, profitant du faux pas des Bordelaises qui avaient un match très difficile sur la pelouse du Paris Saint-Germain et qui ont été défaites sur le score de 3-0. Pour le MHR, le rugby était de retour aussi sur la scène nationale. Les joueurs de Xavier Garba-Josin ont alterné entre le bon et le moins bon lors de la rencontre qui les opposait le week-end passé à la valeureuse équipe très en forme en ce début de saison de l'UBB, Bordeaux-Bègle à 12h30, c'était ce dimanche, et les 6 s'en sortent finalement avec un match nul 17 partout, leur évitant une première défaite à domicile, mais alors que la victoire semblait également à portée de fusil avec plusieurs essais refusés pour le MHR en ce début de saison et au cours de ce match. Concernant les féminines, le MRC féminin, après leur dernière victoire face au Stade français, elles se sont à nouveau imposées, j'ai envie de dire comme de coutume, dans les Pyrénées face au club de Lons dimanche, avec un objectif qui était donc ramener à nouveau 5 points et maintenir leur invincibilité. Ce fut à nouveau chose faite avec un festival des Montpellierennes plantant la bagatelle de 10 essais, vous avez bien entendu 10 essais, pour un large succès 68-5. Elles gardent fort logiquement la tête du championnat. Bilan parfait, 15 points sur 15 points possibles en 3 matchs dans la poule 1 devant Bayonne et Bobigny. Pour le MWP en waterpolo, il se jouait 3 matchs en Eurocup cette semaine. Il se déplaçait à Mataró en Espagne pour le second tour de l'Eurocup. Donc il devait jouer contre Mataró, Eger et Noisy-le-Sec. Un bilan finalement de 2 défaites pour une victoire. Une victoire contre le club français de Noisy et 2 défaites, dont une assez large face à Eger, le club hongrois. 16 16 buts à 5 et un contre Mataro 8 buts à 6. Ils terminent donc 3e de cette poule et n'iront malheureusement pas en quart de finale. Pour les Vipers, ça continue aussi à être assez terrible ce début de saison. Ça finit par une descente, ça. La série négative continue, encore une défaite. Les Vipers se sont inclinés à la patinoire Vegapolis le week-end dernier contre l'équipe de Nantes sur le score de 5 buts à 2. Ils sont au fond du classement avec 0 points et déjà 4 défaites en autant de journées de championnat, et ils auront une quinzaine de jours pour se reprendre en déplacement à Dunkerque le 12 octobre. Enfin, la dernière équipe, je n'avais pas remarqué dans les dernières semaines qu'ils avaient démarré en fait leur saison, mais sur la scène européenne alors que le championnat démarra plus tard, c'est le BLMA, les filles de Latte, qui nous avaient fait 2 finales l'an dernier et qui sont imposées en Coupe d'Europe contre l'équipe grecque de l'Olympiakos en tour de qualification de l'Euroleague, sachant qu'elles ont la possibilité de se qualifier pour l'Euroleague cette année, sur le score de 66 à 63 à la veille donc du début de saison de Ligue féminine, et le retour aura lieu au cours de la semaine, je crois que c'est ce mercredi 2 octobre, on vous le rappellera dans l'agenda. Tout de suite le focus montpelliérain qui sera plus bref que d'habitude, mais bien sûr il fallait revenir sur un match, la victoire dans le derby et puis finalement la demi-teinte avec la défaite du côté Strasbourg. Ah oui, c'est sûr que si on doit rebondir sur les Balkans, du côté de Montpellier, on est un peu triste puisque c'est un pénalty raté de Petar Skouletić contre Nantes, contre Strasbourg, qui nous a bien plombé l'ambiance. Mais il faut voir que Montpellier a pas été terrible sur sur ce match-là. Mais surtout, bon, l'essentiel, ça a été la victoire lors du derby. Montpellier n'a pas été extrêmement flamboyant à part ce magnifique but de Souquet, la sacoche de Souquet. L'essentiel était la victoire au derby. Au classement, on est encore bien positionné. Un derby quand même. Bon, heureusement que l'essentiel dans un derby, c'est une victoire. Mais si j'étais supporter d'Angers, je pense que je me serais fait bien chier. Voilà. Ouais. De Strasbourg, tu veux dire. Non, sur Montpellier-Nîmes. Oui. Parce que nous, on voit Montpellier-Nîmes en tant que supporter montpellierain, on a vibré beaucoup. Oui, parce qu'il y avait l'ambiance, l'environnement local. Mais vraiment, il y a les tifos, il y a ce feu d'artifice à la 60e. Dans le jeu, c'était assez pauvre. Nîmes était très décevant. Franchement, était vraiment mauvais. C'est une équipe joueuse habituellement qui a au moins cette qualité-là. Pour un bon match, il faut 2 équipes, de toute façon. C'était étonnant. Enfin, la façon de jouer de Nîmes. J'ai pas eu l'impression de voir un derby, même par moment. Qui avait tant d'enjeux local de jouer, comme si les vrais derbies avaient lieu l'année dernière, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu, et que cette fois-ci c'était un match de Ligue 1 assez classique, en plus malheureusement programmé en semaine, ce qui a pas aidé côté public, où j'ai trouvé qu'il y avait eu moins de ferveur aussi. Ou alors dû au fait qu'il n'y ait justement pas de public ni moi, qu'il n'y ait pas de parkage ni moi, ça joue vachement pour un derby, il faut qu'il y ait deux populations locales qui cohabitent, et là c'est pas le cas. Et on le verra aussi Saint-Etienne-Lyon, c'est le même problème. Il n'y aura pas de supporters lyonnais non plus à Saint-Etienne, et comme il n'y aura pas de supporters Montpellier au stade des Costières très probablement. Non, c'est sûr, c'est déjà fait. Oui. Voilà. Merci la LFP en tout cas. C'est sûr que c'est problématique pour ces derbies. Et donc un match qui a vu l'essentiel, j'ai envie de dire. On s'en est quand même satisfait. J'étais bien sûr heureux d'être à ce match et de voir ce but de Souquet qui est quand même assez fabuleux. Pour une victoire 1-0, mais c'est vrai qu'on n'a pas tant vibré que ça lors de cette affiche. Montpellier assure l'essentiel face à une équipe de Nîmes qui réalise une piètre semaine, même avec sa défaite ensuite contre Saint-Etienne, et qui semble un peu s'éteindre dans le jeu aussi sur ces derniers matchs. Bon, on verra. Après, à domicile, on est souvent meilleur qu'à l'extérieur. Le prochain match contre Monaco est vraiment un test. Parce que Monaco, Jules peut nous en parler, revient très très bien. Jouer Monaco maintenant en septembre. Ça sera pas simple. C'est pas pareil que jouer Monaco début août. Coucou Lyon. Ça sera vraiment un match intéressant puisque ça sera un tournant, je pense, aussi dans la saison. On peut aller voir si vraiment. Dans ce Montpellier de visage, on tend vers le village. Oui, si tu gagnes ce match, tu peux tendre positivement vers le fait que tu puisses avoir une place légitime en haut du classement. Voilà. Ouais. Mais ce sera pas simple. Surtout que là, après ce match-là, il y aura une grande zone avec que des matchs, normalement, à la portée de Montpellier. Mais bon, bien sûr, on n'ajoute pas qu'on connaît très bien Montpellier, qui est vraiment capable de se planter. Parce que là, le calendrier, sans développer tout, jusqu'à décembre, le PSG, c'est que des équipes vraiment à la portée de Montpellier. Amiens, Dijon notamment. Là tu dois prendre les 3 points. On suivra ça dans les prochaines semaines qui seront déterminantes. C'est vrai qu'on se demandait avant cette semaine, bon, c'était un peu la question et provocatrice parce que ça fait peu de temps quand même que la saison allait débuter. Oui. Si on allait avoir maintenant une première impression sur la saison de Montpellier, il faudra attendre un petit peu plus, surtout qu'on a eu un peu du Montpellier dans ses habitudes, dans ses œuvres cette semaine avec une victoire pour une défaite, deux fois sur le score d'un 0. Donc c'est un peu difficile nous situer. On verra par la suite, mais en tout cas, on est ravis d'avoir gagné le derby face au Croco Nîmois. C'est l'essentiel, il manquerait plus que ce soit pas le cas. On va prendre notre première pause musicale et on a beaucoup de retard pour le moment, mais bon, faut qu'on s'habitue à notre nouveau créneau, je le rappelle, donc d'une heure et demie. Oui, mais bon, un peu de mon fait. Jusqu'à 8h30, 8h40, vous serez avec nous. Avec la première pause musicale prise donc par Tim qui nous a choisi comme d'hab. J'ai choisi Washed Out Belang. Voilà. Et c'est parti. Retour sur Sport and Chill, vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier et le 102.2. On en arrive à notre débat, juste je laisse Tim désannoncer notre petite pause musicale. C'était Washed Out Belang. Et tout de suite, on passe au débat de la semaine. Sport and Chill, le débat de la semaine. Et un débat de la semaine un petit peu particulier cette semaine, spécial championnat du monde, qui est finalement aussi un retour sur ces événements. Des événements, l'un comme l'autre, on en a parlé un petit peu sur Facebook, marqués notamment par les conditions météo et conditions météorologiques assez opposées entre, donc, pour contextualiser un petit peu, les mondiaux de cyclisme qui avaient lieu du côté du Yorkshire en Angleterre et qui sont courus sous la pluie dans l'essentiel de la semaine, avec même une coupure, un moment de retransmission télé qui a pu être agaçante pour une course si importante du calendrier cycliste. Heureusement, il y avait beaucoup d'abandons, donc il parlait beaucoup des abandons autour, mais ouais, c'est vrai que c'était un peu bizarre quand même. Enfin... Un petit peu particulier, et puis du coup l'autre événement, avant d'en venir sur la course cycliste, qui était les mondiaux de Doha d'athlétisme, dont on parlera un petit peu, alors on en parlera un petit peu plus peut-être la semaine prochaine, parce qu'on aura eu plus plus de résultats et côté français on pourra vraiment tirer un bilan. Mais Mondiaux de Doha qui font jaser parce qu'il fait très chaud, il y a une humidité particulièrement importante. Ça a marqué notamment l'épreuve du marathon, encore le 50 km marche, avec certains sportifs qui se sont bien lâchés et globalement, j'ose le dire, à raison sur ces compétitions, parce qu'on peut s'interroger sur les mondiaux de cyclisme sous la pluie, mais bon, pour moi ça me paraît, on pourra en parler, un facteur difficile quand même à éviter. Et puis bon, en venir à ne pas faire des mondiaux en Angleterre, je suis pas forcément d'accord. Par contre, au Qatar, qui plus est pour l'athlétisme, à cette période, c'est quand même assez hallucinant qu'on puisse autoriser cela. On en vient sur le cyclisme et on parlera ensuite de l'athlé et notamment de ce débat-là, avec donc une course cycliste en ligne qui a vu le sacre totalement inattendu. Ça a été l'exploit du week-end d'un Danois, le premier Danois à être sacré champion du monde de cyclisme. C'est Mads Pedersen d'ailleurs, qui a 23 ans, qui est de l'équipe Trek Segafredo et qui a un palmarès relativement faible derrière lui. Sans lui faire offense, il démarre sa carrière professionnelle. Il avait gagné seulement une épreuve cette année, connue juste des puristes complets du vélo, qui est le GP d'Isberg. Seule victoire de sa saison, avant d'être champion du monde, c'est quand même exceptionnel. Sorti du chapeau. Et son fait d'armes dans sa carrière, c'était en 2018, où il avait fait, à la surprise générale déjà, deuxième du Tour des Flandres, mais ce qui montrait déjà tout son potentiel. Mais sur cette course, en tout cas, on pouvait vraiment s'interroger sur pour quel type de coureur elle était adaptée, et on pourrait se demander si finalement cette course c'était pas une course faite pour les Flandriens lorsqu'on voit le top 10. Et puis aussi... comment expliquer la défaillance des favoris, peut-être déjà démarrant sur les coureurs qui se sont illustrés sur cette course. On sait qu'il y a eu beaucoup d'abandons, mais finalement lorsqu'on voit le top 10, on a beaucoup de coureurs habitués justement aux conditions difficiles, voire aux classiques pavés. Est-ce que finalement on pouvait s'attendre à une course dominée par ce type de coureurs? Après, c'est sûr qu'avec les conditions météo, même les grosses équipes, quoi, comme on a pu voir la Belgique ou même l'équipe de France qui faisait partie des favoris avec Julien Alaphilippe, ça a été plus dur de s'organiser derrière. Les Français au championnat du monde ces dernières années, c'est la catastrophe. Hein. On n'arrive jamais à se placer ou à faire quelque chose. Bon, c'est vrai qu'il y avait Romain Bardet, ouais, c'était l'année dernière, c'est ça, ouais, l'année dernière. C'était l'année dernière qui avait joué sa carte aussi, qui était à ça de la victoire. Mais c'est vrai qu'on est souvent annoncé comme favori et on a souvent du mal à monter sur la boîte. Après, on peut vraiment se demander si finalement on était les favoris ou parmi les favoris cette année. On avait une très très belle équipe. On a tout misé sur Julien Alaphilippe qui n'est pas parvenu à peser sur la course. Les Français ont cadenassé la course jusque finalement à son money time qui était à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Et lorsque Mathieu Van Der Poel et Matteo Trentin, qui à ce moment-là faisaient figure vraiment ils avaient la pancarte, ils faisaient figure de favoris pour le final à partir du moment où ils avaient réalisé cette attaque, sont partis. Julien Alaphilippe n'a pas été en mesure de les suivre. Est-ce que juste c'est parce qu'il était usé? Ou est-ce que finalement ce parcours il n'était pas vraiment fait pour jouer à la fin? Après, il avait aussi annoncé que les conditions météo, il n'aimait pas vraiment quand il faisait de la pluie et qu'il faisait froid, il l'a dit. Même avant la course, c'était bizarre d'ailleurs d'annoncer ça un peu avant. Il est arrivé rincé, hein, vraiment. Ouais, à l'arrivée. Et bon, je pense que le parcours correspondait pas forcément énormément. Et je pense pas qu'on était favori en soi. C'est sur des courses d'un jour comme ça, c'est toujours compliqué aussi d'avoir des favoris. Par exemple, je voyais l'équipe belge plus à même d'aller chercher quelque chose. D'ailleurs, d'un point de vue stratégique, je sais pas si après la chute de Phoebe Gilbert, ils ont eu raison de continuer à miser sur lui, puisque en attendant notamment Remco Evenepoel, ouais, la pépite belge qui a fini par abandonner lui, oui, aussi. Voilà, ce qui est dommage parce qu'il avait montré de belles choses, notamment je crois à Saint-Sébastien, il avait gagné. Bah, quand même, c'est un peu la pépite actuelle de ce début de saison. Il a été médaillé d'argent là sur le chrono aussi derrière l'Australien Juan Denis. Donc peut-être qu'ils auraient pu changer de stratégie. Après, c'est souvent compliqué pour un quand on a son leader, soit on suit la feuille de route, mais voilà, sur le parcours en soi, les derniers kilomètres ont été quand même rempli de surprises, puisque il y a le coup de fringale, il y a Trentin que tout le monde voit gagner derrière, mais c'est une super surprise avec Pedersen. Bon, c'était quand même, malgré tous ces problèmes météorologiques, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces problèmes météo, toute cette pluie, ça a été sur toute la semaine, hein, puisque les mondiaux, il faut le dire, c'est sur toute une semaine. Et il y a eu quand même des images assez drôles de cyclistes qui tombaient dans des flaques énormes. Enfin bon, c'était quand même c'était dantesque, quoi. Et puis ça fait partie du cyclisme, hein, les conditions météorologiques dantesques. Hein, mais bon. C'est vrai que j'en avais parlé après la course avec Florian, qui était donc l'animateur des saisons 3 et 4, pour le rappeler à nos auditeurs, hein, qui sont peut-être moins habitués à nos programmes. Et il me disait que clairement, il s'était ennuyé ferme devant cette course. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement aussi on s'est ennuyé, ou dans le sens on est sorti frustré parce que beaucoup de coureurs n'ont pas été au rendez-vous, parce que l'équipe de France, contrairement à l'année dernière où il y avait un splendide parcours en plus du côté d'Innsbruck, avec les plus beaux championnats du monde peut-être depuis des années, où voilà, on a eu une équipe de France qui n'a pas pu peser. Effectivement, le premier français, Tony Galopin, on peut en faire un constat d'échec, et 23e, Julien Philippe 28e. Seuls trois coureurs arrivent au bout de cette course, avec Benoît Cosnefroy qui est 42e de cette course. Est-ce que finalement c'est aussi pas pour ça qu'on est un petit peu déçu, ou qu'on reste sur notre faim, qu'on a eu l'impression d'être devant une course de second couteau, mais que celle-ci, si on la regarde un peu avec autrement, justement, on se dit elle n'a pas eu quand même tout son intérêt, parce que justement elle a été épique, imprévisible, et qu'elle sacre un coureur un peu venu d'ailleurs, mais qui n'a pas volé sa victoire malgré tout. Ah non, il est allé la chercher, hein, clairement. C'est sûr qu'elle restera dans on s'en rappellera, parce que ouais, du fait des conditions météorologiques et de ce final que je trouvais quand même assez fou, quoi, le coup de fringale, tout ça, on s'en rappellera. C'est pas souvent qu'on se rappelle des mondiaux quand même. Et ça, il faut le voir, quoi. Ouais, ouais. Et on verra dans les prochaines années, mais il y a fort à parier qu'on se rappellera aussi de ces mondiaux où on a eu, tu le dis, beaucoup d'événements qui se sont succédés. Philippe Gilbert, un des favoris, qui chute, retardé par une chute à 125 km de l'arrivée, qui jette l'éponge deux tours de circuit plus loin. Alejandro Valverde, tenant du titre, qui a plus de 80 km de l'arrivée, totalement épuisé et transi de froid, est obligé également d'abandonner. L'Italien Diego Ulissi aussi également s'est arrêté prématurément dans la course. Le vainqueur de la Vuelta, Primoz Roglic, a abandonné. L'équatorien Richard Carapaz, lauréat du dernier Giro, de même. Nairo Quintana était présent dans l'échappée. Mathieu Van Der Poel, que l'on voyait gagner, comme tu dis, vraiment, qui est ce coureur qu'on pense qu'il va éclabousser de tout son talent les prochaines saisons de cyclisme, alors qu'on le voyait presque aller chercher ce titre de champion du monde, d'un coup prend un coup de fringale, mais monumental, sachant qu'il finit finalement dans le dernier groupe et dans une des dernières places de cette course. Seulement 46 coureurs sont arrivés au bout sur plus de 290, je crois. C'est totalement historique. Et puis, jusqu'à la fin, on vibre, parce que c'est vrai que moi, du coup, dans les 10-20 derniers kilomètres, je me dis, c'est cousu main pour Matteo Trentin, qui était champion d'Europe, avec un équipier, Gianni Moscone, face à deux inconnus, presque, du grand public, on peut le dire, Stefan Kung, équipier de Thibaut Pinot à la Groupama FDJ pour la Suisse, et également Mats Petersen, qui est finalement champion du monde pour le Danemark. Et après 300 km, finalement tout est possible, et même si Matteo Trentin a une grosse pointe de vitesse, il était beaucoup plus épuisé que ce que l'on pensait, et Mats Petersen a fait la loi au sprint et gagne avec plusieurs longueurs d'avance. Et du coup, on peut quelque part dire, je sais pas quel est votre avis, qu'il fait plutôt un beau champion du monde. C'est sûr que quand on a eu Peter Sagan ou Alejandro Valverde, sur le prestige, peut-être moins, mais sur le scénario, et vu comme il est allé la chercher, c'est quand même magnifique. On a eu Valverde qui gagne ce maillot presque sur la fin de sa carrière. Lui, justement, ça va peut-être la lancer à sa carrière. Il a 23 ans, il a pour l'instant rien gagné, comme tu disais. Ça peut être un tremplin pour lui pour ensuite aller chercher plusieurs autres succès. Puis non, c'est vrai que dans cette course, il y avait un côté anarchique, vraiment... Là où on reproche beaucoup au cyclisme d'être un verrouillé avec les oreillettes, tout ce débat qui est récurrent dans le cyclisme, là il y avait un côté mais tout est possible, quoi. Après, une fois qu'il y avait cette échappée sur les 40 derniers kilomètres, c'est vrai que on connaissait un peu ceux qui allaient gagner, mais c'est vrai que ça permet aussi un vrai changement, et ce côté anarchique m'a plu, moi. comme quoi finalement notre débat du soir contrebalance un petit peu avec tout ce qu'on a entendu hier soir. Il n'enlève pas que moi-même, vous le savez, grand supporter d'Alejandro Valverde, qu'il rende son maillot irisé et quelque part un illustre inconnu pour le moment, ça fait un petit peu bizarre, mais ce sera très intéressant la saison prochaine de suivre ce que fera Mats Pedersen, qui maintenant aura ce maillot sur les épaules, il pourra plus se cacher, et ce sera un des coureurs à suivre sur les Flandriennes. La stat opta est tombée, donc 3 émissions Sport & Chill, tu as parlé 3 fois de Alejandro Valverde. Ah, c'est récurrent, ça bouge pas. Est-ce ça. Qu'il va pouvoir tenir toute la saison? Ça, c'est la vraie question. Ouais, je pourrais peut-être pas tenir au mois de décembre quand il n'y aura pas de cyclisme, mais il y aura encore un Tour de Lombardie à suivre, vous verrez, on parlera encore de Don Alejandro. Tour de Lombardie. Dernier monument de la saison. Une dernière question avant d'en venir sur l'athlétisme. Donc, on parlait de cette équipe de France. Thomas Vauclair, nouveau sélectionneur, est assez raillé depuis hier soir pour sa stratégie. Est-ce que. Vous croyez qu'il ne fallait peut-être pas autant miser sur Jean-Louis Alaphilippe sur cette course? Ça fait 2 échecs cuisants pour Vauclair après les championnats d'Europe un petit peu plus tôt, c'était vers la fin de l'été. Mais quelque part aussi, on ne pouvait peut-être pas espérer beaucoup mieux et il n'y avait peut-être pas un autre cheval de course que Julien Alaphilippe pour nous sur cette course. C'est vrai qu'au vu de l'équipe alignée, il avait clairement fait le choix de tout miser dès sa sélection sur Julien. Après, c'est compliqué. Il y a les conditions météo qui font qu'il n'a pas forcément les jambes. Après, en cours de course, je ne sais pas s'il aurait pu vraiment se réadapter derrière avec l'équipe qu'il a faite, qui était vraiment centrée sur Alaphilippe. Après, c'est à lui de voir quand il fait ses sélections, s'il veut miser sur plusieurs. Là, il a vraiment dit « je prends un leader et je construis l'équipe autour ». Donc ça, je pense que sur la course, c'est un peu tard pour s'en rendre compte, entre guillemets. Il a fait ce choix-là, ça aurait pu payer, mais ça a été pile ou face, et c'est tombé sur le mauvais côté. Là. Ouais, très clairement, et l'année prochaine, il y aura un beau parcours, en tout cas pour les Français, et ce sera du côté de Martigny en Suisse. Ce sera beaucoup plus escarpé, un peu à l'image d'Innsbruck l'année dernière, et avec des cartes comme Pinot, Bardet ou Alaphilippe, ce sera intéressant, mais pareil, il ne faudra pas se tromper de stratégie, parce que l'année dernière, on avait aussi 3 coureurs qui ont vraiment fait équipe l'an dernier, mais on sait que des fois, dans certaines sélections, on peut se marcher dessus, à l'image des individualités belges cette année, donc il faudra voir ce que ça donne l'an prochain. Il n'y avait pas eu un problème avec Bardet l'année dernière qui avait attaqué sans l'accord, enfin qui s'était un peu brouillé avec Alaphilippe et Pinot, il me semblait, j'avais entendu ça. Et ouais. Je t'avoue que j'ai pas trop suivi, mais peut-être effectivement, des fois il y a des. Après, quand tu arrives avec 3 leaders, trois leaders de ce talent-là, je comprends qu'ils veuillent jouer leur carte personnelle aussi, mais c'est au sélectionneur, par exemple, à Vauclair, le talent qu'il a eu, enfin, c'est de directement désigner Alaphilippe comme leader. Comme ça, il n'y avait pas de guéguerre dans l'équipe interne pour savoir qui c'est qui allait pouvoir jouer sa carte personnelle. On va en venir donc maintenant à l'athlétisme. Juste le préciser parce que c'est important. Chez les femmes, c'est la Néerlandaise Annemiek van Vleuten qui a été sacrée championne du monde devant sa compatriote Anna van der Breggen et l'Australienne Amanda Spratt. La première française est Audrey Cordon-Rago et elle est arrivée dans le premier peloton 17e. Dans le contre-la-montre, c'est Juan de Nice, l'Australien, qui conserve son titre de l'année dernière devant Remco Evenepoel et Filippo Ganna et le premier français Pierre Latour, 18e, Benjamin Thomas. Décevant, fini au 28e rang. Côté espoir et junior, ça n'a pas été beaucoup mieux avec les victoires italiennes de Samuele Battistella et de Simons, l'américain, chez les juniors, Quinn Simons. Les Français arrivent aussi vers pas mieux qu'une 9e place pour le meilleur français classé sur ces mondiaux. C'était Mathieu Burgodeau sur les espoirs, donc on reviendra. Côté français, on a vu beaucoup mieux sur des mondiaux, mais c'était sans doute pas notre année, les meilleurs parcours pour nous. J'en viens à l'athlétisme et je laisse la parole assez vite à Tim. On a eu ce début de week-end, on peut se demander quelles vont être les attentes pour les Français. Et puis l'autre point noir, c'est la météo qui fait beaucoup jaser. Ouais, effectivement, les mondiaux d'athlétisme qui ont commencé donc vendredi, 17e mondiaux d'athlétisme de l'histoire, et qui ont lieu donc dans la chaleureuse ville de Doha. Je pense. Je reviendrai un petit peu après sur ce côté un peu clivant de la ville, mais on a eu trois premiers jours donc avec des disciplines reines qui ont déjà été jouées, notamment le 100 mètres féminin et masculin. À savoir que sur 100 mètres, c'est l'attendu Christiane Coleman qui est attendu comme la succession à moindre mesure de Usain Bolt sur le sprint, qui s'est imposé donc sans surprise avec un gros chrono, hein, 9,76, c'est son record personnel, et donc il finit devant le vétéran Justin Gatlin qui est quand même à 37 ans, sort un 9,89 sur 100 mètres, c'est quand même assez hallucinant. Et en troisième, on trouve André De Grasse qui s'était aussi distingué aux derniers mondiaux et qui là termine un centième derrière Justin Gatlin en 9,90. A noter que ces mondiaux ont été l'occasion de voir une nouvelle discipline, le 4x400 mixte, donc une nouvelle discipline nouvellement instaurée. Je pense qu'elle sera au JO, si je ne vous dis pas de bêtises, et qui, sans surprise, a été remportée par les États-Unis. Forcément, c'est les meilleurs en sprint, donc si on met en mixte, ils gagnent. Ils se sont imposés devant la Jamaïque et le Bahreïn. L'équipe était composée de Wilbert London, Alison Felix, Courtney Okolo et Michael Cherry, et ils ont du coup, par la même occasion, battu le record de la spécialité. Sur 100 mètres au niveau féminin, c'est l'inoxydable Shelly Ann Fraser-Pryce qui s'est imposée, qui remporte son quatrième titre mondial, deux titres olympiques et son deuxième titre mondial du coup, et qui finit devant l'ivoirienne Marie-Josée Talot qui finit en troisième, et devant la britannique Dina Asher-Smith qui finit seconde. Ça a été aussi l'occasion de voir un autre roi de la discipline, c'est celui du saut en longueur, Christian Taylor, l'américain, qui s'est imposé dans un concours assez incroyable, qui était vraiment très très relevé, et qui a sorti une grosse performance avec 17,92 devant son compatriote Will Clay qui lui a fait 17,74, et en troisième un surprenant Hugues Fabrice Zango qui est le protégé de Teddy Tamgo et qui rapporte la première médaille de l'histoire du Burkina Faso. Donc ça, c'est quelque chose quand même assez, d'assez spécial et assez magique. Et je suis obligé de parler de la France puisqu'on est français. La France, un beau week-end. La France qui reste taquée, c'est un zéro pointé, qui est toujours pas la moindre médaille pour les athlètes français qui jusqu'ici ont surtout été marqués par trois déceptions, à savoir Johan Diniz sur le 50 km marche, ce qui va être aussi l'occasion de mettre l'accent sur la météo, parce que j'y reviendrai après, mais marcher pendant 50 km sous 34 degrés avec 75% d'humidité, c'est tout simplement inhumain. Je crois qu'il y a eu plus de 16 abandons quand même sur le 50 km marche, donc ça donne une tendance générale de forces en présence qui c'était tout simplement sur pas jouable. Sur le marathon aussi, hein, il y a eu un truc genre sur 40%. Sur le marathon, il y a eu aussi énormément d'abandons, terrible, notamment le marathon féminin, ouais, le marathon là, féminin, ça a été l'hécaton. Et les deux autres déceptions, ça a été Pierre-Ambroise Boss, donc, qui était censé assumer son statut de champion du monde, champion olympique, pardon, et qui a tout simplement failli, hein, qui ne s'est même pas qualifié pour la finale, il a échoué en demi-finale. Donc déception pour Pierre-Ambroise Boss, mais qui traînait un peu une blessure, il a aussi un petit peu rechuté, donc je pense qu'il a un petit peu forcé son retour, il avait à cœur de remontrer, mais il va vraiment se focaliser sur les prochains JO. Et la troisième déception, c'est Renaud Lavillenie qui, je pense, est sur la fin. Il n'a même pas réussi à passer 5,70, à savoir que son record personnel est à 6,16 m. Et là, il a échoué à 5,70 et il ne s'est pas qualifié pour les finales. On savait que ça serait dur pour la médaille. Après, je le pensais au moins rivaliser sur les finales. Et là, échouer au qualif, je trouve ça assez décevant. Lui qui n'a jamais gagné pour le coup, malgré son grand palmarès. C'est la malédiction. Il n'a jamais remporté un titre mondial. Et du coup, ça me permet de vous poser la question. C'est vrai que du coup, ces mondiaux ont lieu à Doha. Donc après, ça, pour moi, ce n'est pas une surprise. Enfin, ce n'est pas une surprise de voir que ces mondiaux ont lieu à Doha, qu'il allait faire chaud. Ça, on le savait dès le départ. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces mondiaux qui, au-delà du climat, sont faits dans les stades qui sont quasiment vides? Il y a un climat qui n'est pas du tout... On ne ressent pas du tout dans engouement, les athlètes s'en plaignent, je voulais vous laisser réagir là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ces mondiaux? Est-ce que c'est une hérésie pour vous qu'ils aient lieu à Doha? Tariq, peut-être. Moi je vais être direct. Moi, pour moi, ces championnats du monde, c'est un scandale ce qui se passe à Doha. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas: pourquoi la Coupe du Monde de foot, on peut la reporter pour la faire jouer en décembre, janvier, février. Enfin, ça va être en novembre, décembre, je pense. Ça va. Et les championnats du monde d'athlétisme, non. Bon, je pense que là, on a une réponse. C'est les droits TV, c'est pas pareil. Hein. Un championnat du monde d'athlétisme ne se vend pas aussi bien qu'une Coupe du monde de foot. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est déjà une des premières réponses. Après, tu parlais des terrains. enfin des stades. L'affluence générale qui est vraiment en berne. Il y a combien d'habitants au Qatar? 2,2 millions, on avait ouais, 2,2 millions. Donc 10% de population réellement qatarienne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 200 000 personnes qui ont la nationalité qatarienne environ. C'est ça. Et la plupart, il y a aussi beaucoup tout ce qui est ouvrier, tout ce qui, voilà, tout ce qui est domestique, etc. Donc je pense pas qu'ils aient peut-être le droit d'aller au stade, je pense. Ou les moyens. Ouais, donc voilà. En fait, à un moment donné, la Fédération internationale d'athlétisme, je pense qu'ils devraient. Enfin. C'est assez logique. Déjà, nous, à Montpellier, en mois de septembre, il fait déjà très chaud pour nous. Ouais. Il fait 28, voire 32. Ouais, ouais. Donc là-bas, il fait 34. T'as dit combien? 75% d'humidité. 75%, ça veut dire que c'est 10 degrés de plus. Ça veut dire qu'ils ont couru sous 45 degrés à peu près. Ouais. Bah, déjà, nous, en jouant là au foot sous 30 degrés, on va jouer une demi-heure, on va se dire, oh, c'est bon, on est fatigué. Ouais, t'imagines ceux qui font le marathon sur 50 km. C'est inhumain. Donc voilà, c'est inhumain. Et en fait, on pense juste à l'argent. On pense pas à l'athlète. Voilà, on l'a mis au mois de septembre, il n'y a pas de compétition qui peut gêner, donc ils se disent ouais, bon, les gens vont regarder automatiquement, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un énorme problème de la fédération. Après, c'est aussi aux athlètes d'essayer de, pas de boycotter, mais c'est toi qui gères un peu. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est facile à dire qu'à faire, mais voilà. Même les, je veux dire, les fédérations, que ce soit la fédération française, enfin, les grandes fédérations du monde, c'est à eux de faire pression aussi. Je ne vais pas envoyer moi un athlète qui va mourir sur après, parce que ça peut arriver. Après, ils touchent des sous aussi, les fédérations, sur le truc. Ça revient toujours à l'argent, hein, je pense. Donc, c'est compliqué sur ce point-là. Oui, là, pour, par rapport à ça, c'est vrai que les athlètes, en plus, eux, bon, ils ont des obligations nationales. Et puis, quoi qu'il arrive, c'est des mecs, des gens dans leur esprit qui sont complètement focalisés sur la victoire. Et eux, les conditions, ils les connaissent. Mais bon, l'essentiel pour eux, c'est de gagner. Donc, ils ne peuvent pas du tout passer à côté d'une compétition. Exactement, c'est des gros compétiteurs. Et puis après, pour l'argent, on le dit assez, mais l'athlétisme, beaucoup d'athlètes, enfin, ou même, on va prendre l'inverse, très peu d'athlètes arrivent vraiment à vivre de leur sport. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas cracher sur des mondiaux s'ils y sont, sachant qu'ils ont passé... plusieurs mois à batailler pour se qualifier. Quoi. Sachant qu'il y a eu aussi, c'est pas du boycott, mais il y a eu beaucoup de déclarations. Les athlètes ont beaucoup parlé dans la presse justement de ces conditions. Quoi. Donc on peut pas leur reprocher beaucoup. J'en ai notamment une sous les yeux, c'est Kevin Mayer qui dit « Mon opinion, vous voulez rentrer là-dedans, on voit tous que c'est une catastrophe, même si personne ne le dit, il n'y a personne dans les tribunes. Il y a eu 30 abandons au marathon féminin, c'est triste. » Qui souligne les difficultés... Ça souligne les difficultés sur ces épreuves. Bon, on vous invite malgré tout, c'est l'occasion de suivre l'athlétisme, à regarder ces mondiaux qui sont télévisés bien sûr sur France Télé. Et puis on tirera le bilan côté français la semaine prochaine, mais ça n'est pas très beau. Alors les chances de médaille, on les a. La plus grande chance, c'est Kevin Mayer qui est archi favori sur son décathlon. Et après, une petite piécette sur. Je ne sais pas si je la mettrai, mais Pascal Martino Lagarde et Willem Belossian sur 110 mètres haies qui peuvent faire quelque chose éventuellement. Affaire à suivre, on ne va pas plus développer sur l'athlétisme, mais on en parlera à coup sûr la semaine prochaine, contrairement au cyclisme. Et on va prendre notre deuxième pause musicale avant de revenir pour le grand moment. Et on va s'écouter à l'ancienne Gangstar, Moment of Truth. No matter what we face, we must face the moment of truth, baby. They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. Nobody's invincible, no plan is foolproof. We all must meet our moment of truth. The same shiesty cats that you hang with and do your thing with could set you up and wet you up. Nigga, peep the language, it's universal. You play with fire, it may hurt you or burn you. Lessons are blessings you should learn through, let's face facts. Although MCs lays tracks, it doesn't mean behind the scenes there ain't no dirt to trace back. That goes for all of us, there ain't nobody to trust. It's like sabotage, it's got me ready to bust. But I can't jeopardize what I've done up to this point. So I'ma get more guys to help me run the whole joint. Cultivate, multiply, motivate, or else we'll die. You know I'll be the master of the who, what, where, and why. See when you're shining, some chumps will wanna dull ya. Always selfish, jealous punks will wanna pull ya down. Just like some shellfish in a bucket, cause they love it to see your ass squirm like a worm. But just as you'll receive what is coming to you, everybody else is gonna get this too. I ain't no saint, therefore I cannot dispute that everyone must meet their moment of truth. Actions have reactions, don't be quick to judge. You may not know the hardships people don't speak of. It's best to step back and observe with coup, for we all must meet our moment of truth. Sometimes you gotta dig deep. When problems come near, don't fear. Things get severe for everybody, everywhere. Why do bad things happen to good people? Seems that life is just a constant war between good and evil. The situation that I'm facing is mad amazing. To think such problems can arise from minor confrontations. Now I'm contemplating in my bedroom pacing. Dark clouds over my head, my heart's racing. Suicide? Nah, I'm not a foolish guy. Don't even feel like drinking or even getting high. Cause all that's gonna do really is accelerate the anxieties that I wish I could alleviate. But wait, I've been through a whole lot of other shit before, so I ought to be able to withstand some more. But I'm sweating though, my eyes are turning red, and yo, I'm ready to lose my mind, but instead I use my mind. I put down the knife and take the bullets out my nine. My only crime was that I'm too damn kind, and now some scandalous motherfuckers wanna take what's mine. But they can't take the respect that I've earned in my lifetime, and you know they'll never stop the furious force of my rhymes. So like they say, every dog has its day, and like they say, God works in a mysterious way. So I pray, remembering the days of my youth as I prepare to meet my moment of truth. Yo, I got one lyric pointed at your head for start. Another one is pointed at your weak ass heart. Now if I pull the trigger on these fully loaded lines, you're gonna wish I would've pulled a black nine. I'm Mac Dimes, crack the spines of the fake gangsters. Yeah, the biting trifling niggas and the studio pranksters. Yo, looking at the situation plainly, will you remain G or will you be looked upon strangely? I reign as the articulator with the greater data, revolving on a task and much doper than my last jam. While others struggle to juggle tricky metaphors, I explore more to expose the core. A lot of MCs act stupid to me, and we have yet to see if they can match our longevity. But anyway, it's just another day, another fake jack I slay with my spectacular rap display. Styles smooth but rugged, you can't push or shove it. You dig it and you dug it, cause like money you love it. The king of monotone with my own throne, righteously violent prone. My words bring winds like cyclones, storming your hideout, blocking out your sunlight. Your image and your business were truly not done right. Throw up your hiala now, divine saviors. You got no hand skills, there's no security to save you. No pager, no celly, no drop top Benzy. I came to bring your phony hip hop to an end. My art of war will leave you sore from the abuse, cause you must meet your moment of truth. They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. No one is untouchable, no man is bulletproof. Et de retour sur Sport and Chill, vous êtes sur Radio Campus Montpellier, c'est le 102.2 FM. On est sur la partie finale de notre émission et un grand moment que vont pouvoir vivre à nos côtés Tariq et Florent avec le quiz. On joue en individuel. Okay. Et jingle quiz, oui, excuse-moi Tom. Sport and Chill, le quiz. Je vous préviens, le quiz qui a été encore fait cette semaine par Guillaume Kassachvili, notre géorgien préféré, rugbyman. J'externalise les prestations en ce moment de Sport and Chill pour le quiz. Donc je note vos petits noms, messieurs. Il ne doit pas y avoir beaucoup de questions de rugby, à mon avis, tu vois. Je sais plus, parce qu'il a quand même essayé de varier l'ensemble des sports. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de questions de tennis, par exemple. Actuel, mais il n'y a pas trop de tennis en ce moment aussi. Il a dû mettre que 5 ou 6 questions rugby, t'inquiète pas. Apparemment, il faut annoncer le 15 géorgien. Bon courage à vous, du coup, c'est le message qui est passé par nos habitués. Première question du soir, et c'est une question de rapidité. Du coup, il y aura des questions rapidité, tour de table, donc là, chacun son tour répond, ou encore des citations. Globalement, c'est à peu près toutes les questions qu'on a ce soir. Première question. Et il n'y a pas de buzzer, du coup, vous parlez dès que vous avez la réponse sur la rapidité. Ça sent le coup de tête, là. Et tour de table, je dis de quel côté on démarre. Première question, rapidité, et volée avec l'équipe de France. L'équipe de France a terminé 4e de l'Euro de volée, remporté par la Serbie. Donc rapidité, mais qui termine meilleur scoreur côté français ? Stéphane Boyer. Ah, c'était quasiment dans le même temps. Je vais donner les points aux deux, points partagés pour Jules et pour Florent. On voit les mecs qui ont suivi l'Euro volé. Ils sont deux. Stéphane Boyer, qui a performé et qui est un habitué. D'ailleurs, comme un gros Volix, j'aurais dit Ngapet. Moi, j'aurais dit Leroux. Voilà, énorme. Un peu Volix, mais bon, à partir du moment où contre l'Italie, il aligne 5 points au service et il met les Italiens à terre, juste avec ce mouvement, c'était forcément lui. Pas faux. 158 points pour. pour Stéphane Boyer. Deuxième question, avec une petite devinette. Je vous donne pas le sport, mais bon, vous allez le savoir vite. Sur un événement de la semaine. Tout d'abord, 3. Victoire. Rugby. Troisième victoire de l'Uruguay en Coupe du Monde. Troisième victoire de l'Uruguay en Coupe du Monde. Attends, mais vous avez dit que c'était 2 tout à l'heure. Comment ça, 2? On a dit 2 plus tôt dans l'émission, vous avez dit que c'était 2 victoires. En tout cas, je t'assure que c'est la 3e. Effectivement, l'événement qu'on cherchait, c'était la victoire de l'Uruguay contre les Fidji. Les autres indices qu'il y avait, on allait y arriver. Hein. C'était exploit, mercredi, Fidji, Uruguay. Donc la victoire de l'Uruguay contre la Fidji, c'est la 3e victoire des Terros en Coupe du Monde, en 4 participations. Et c'est une victoire qui élimine quasiment les Fidji de la compétition. Ce point est pour Jules. 2 points pour Jules, 1 point pour Florent pour le moment. 3e question, rapidité. Et c'est cyclisme. Quelle mésaventure est arrivée au cycliste Johan Price Petersen cette semaine? Ah, il est tombé dans une flaque d'eau? Il est tombé dans une flaque d'eau à pleine vitesse. Énorme flaque d'eau. L'image est totalement incroyable. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être forcément fan de cyclisme pour trouver cette réponse. Sachant que c'était un peu. C'était sur Twitter. C'était un moment. On l'a trouvé un peu partout. C'était un moment assez cocasse des mondiaux. Et donc, c'était lors du contre-la-montre individuel homme U23 qu'on a pu vivre cette image assez surprenante où il finit quasiment dans une piscine. Citation, et je ne vous donne pas le sport. J'aurais dû rester sur quelque chose de positif au lieu de m'entêter à venir. Si j'ai rempilé depuis 2017, c'est vraiment pour Tokyo. Hier, je n'ai pas voulu me mettre beaucoup plus en danger qu'à Rio. Johan Diniz, Corentin, c'est ça. Qui peut me stopper? Johan Diniz, s'il faut vraiment me mettre en danger, ce sera à Tokyo et pas ici. Là, je n'ai plus l'étiquette de favori, c'est très bien. Ensuite, il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de travail pendant 10 mois. Il ne me faut rien laisser au hasard. Hier, j'ai concouru face à des teams de F1 avec les Japonais et les Chinois qui étaient plus que prêts. Il va falloir qu'on se pose les bonnes questions pour être prêt pendant 10 mois. Question ensuite, rapidité, je vous donne pas le sport. Ce week-end, le Français Cédric Joly est devenu champion du monde, mais quelle est sa discipline? Les fléchettes. C'est peut-être un événement qui est assez inaperçu. C'est Guillaume qui m'a trouvé ça. Le billard. Petit indice, c'est un, sachant qu'on a du retard, c'est un sport aquatique. En rapport avec l'eau, en tout cas. Plongeon. Ouais, je veux dire. Ouais. Natation synchronisée. Non, vous n'êtes pas sur la bonne piste. Water poney. Du paddle. Ça se pratique en eau vive. Kayak. Ouais, c'était cadeau. Canoë, kayak. Il y en a qui suit au moins. Il y a personne qui réagit aussi. Donc, course remportée par, je vous disais, par Cédric Joly. Il remporte le titre lors des championnats du monde monoplace. C'est la discipline de Tony Estanguet. C'était organisé en Espagne à la Ceuta d'Urgel. Et pour la petite histoire, en 99 et 2009, les Coupes du Monde étaient aussi organisées dans ce lieu et remportées par un Français. Donc, rendez-vous en 2029. Question rapidité, et on est sur du rugby. Lors de la défaite des Australiens face aux Gallois, Adam Ashley Cooper a inscrit son 12e essai en Coupe du Monde, prenant seul la 4e place des meilleurs marqueurs dans l'histoire de la compétition. Mais j'ai bien dit rapidité, qui se partage la première place? Abana. Wilkinson. Et Lomu. Il les a. 3 points pour Jules. Jules est donc en tête. Corentin et Florent ont 2 points. Tim et Tariq doivent réveiller le score. Dur, hein. Et question football, rapidité. Normalement, ça ne doit pas vous poser de problème. Après 6 journées, qui est leader de Serie A? L'Inter Milan. C'est arrivé plus vite ici. Mais ça s'est joué, mais vraiment à une microseconde. C'est pour Corentin, c'était la question cadeau. Comme quoi, ça vaut le coup, la corruption. Et elle permet pas d'ouvrir le score, malheureusement, de mes voisins. Là, il y a une... Et notamment de Tariq. Une question dont on a parlé, et il y en a un qui n'a pas de point justement, qui a parlé de cette discipline en athlétisme. Tour de table. Christian Taylor a décroché hier à Doha son 4e titre d'affilée en triple saut. Malgré son ultra-domination dans la discipline, le record du monde est toujours détenu par Jonathan Edwards. Mais à quelle longueur le Britannique a-t-il sauté le 7 août 1995? C'est tour de table ou pas? Tour de table. Oh. Tariq. Pas inquiet. Une estimation. Aucune idée. Je sais pas. Je passe mon tour, vas-y. Allez, Florent. Déjà que je me rappelle. En triple saut. Des ordres d'idées du triple saut. Un truc du genre 17 mètres 30, un truc comme ça. 17-30. 18-22. 18-29 mètres. 18,29. Je m'aligne sur 18,29. Chien, va. C'est chiné, ça tient. Et c'est bien 18,29. Tim avait la stat. D'où vous comprenez sa question. Question athlétisme encore. Alisson Félix détrône Usain Bolt au nombre de médailles. Pourquoi il m'a mis Alisson Félix? C'est Alisson Félix. Non, je pense qu'il parlait c'est de. C'est Yann Fraser-Pryce plutôt, non? Non, je pense que c'est Alisson Félix. Alisson Félix. Ouais, on est d'accord. Donc non, c'est pas une erreur. Excusez-moi. On voit que c'est pas moi qui ai fait le quiz. Détrône Usain Bolt au nombre de médailles d'or mondiales. Mais tour de table, combien en a-t-elle? Et on commence par Corentin qui en avance avec 4 points. 5. 5 médailles mondiales. Tim. 7. 7. 8. 8. 7 aussi. 7. 6. Qui a dit 8? C'est Jules. Et c'est pour Jules qui est le plus proche, mais vous êtes bien loin, messieurs. C'est 12 médailles mondiales. Première en 2003, 17 médailles. Putain, c'est vrai qu'elle court depuis longtemps. Au total, et donc elle a déjà effectivement 12 médailles d'or mondiales. C'est incroyable. Oui. Question. Tiens, on va passer à la question boxe. Samedi, à la H Arena de Nantes, Tony Yoka a remporté son combat face à l'Allemand Michael Wallisch. C'est rapidité. Combien de victoires Tony Yoka compte-t-il dans sa carrière professionnelle? 8. 3. 7. 4. 7. Récupéré par Tim. Non, je savais. Qu'il avait. C'est bien 7, dont 6 avant la limite. 7 pour 7 combats, d'ailleurs. Donc tranquille ouais, pour Yoka. Mais bon, il a affronté effectivement pas les meilleurs d'entre eux. Jules a 4 points. Corentin en a 4 aussi. Tim est à 2. Florent à 2. Et Tariq attend d'ouvrir son score. Il reste 2 questions et ce sera 2 citations. Première citation. Je dis plus les sports. J'étais dans le bon groupe, à la place où je devais être pour devenir champion du monde. À la Philippe. Mais d'un coup, c'était fini. Je n'ai pas vraiment d'explication. Soudain, la lumière s'est éteinte. Je n'ai jamais connu cela. Je tenais à terminer mes premiers mondiaux. Vanderpool. Est-ce que vous, il y a que toi qui a dit Vanderpool? Ouais. Oui, j'ai entendu. Ouais, c'est ça. C'est Mathieu Vanderpool. Jules, bien trouvé. C'est la seule question que j'ai proposée moi. J'étais un des favoris, pas le grand favori. Je ne pense pas que je puisse me reprocher quelque chose. Je n'ai pas non plus trop peu mangé ou bu. Le froid a dû jouer un rôle. À un moment donné, je portais 6 à 7 couches de vêtements. Et pourtant, je n'arrivais plus à me réchauffer. Bien sûr, je suis déçu, mais c'est différent que quand tu te rates pour la victoire de très peu. Dernière question. Et donc... seuls Corentin et Jules peuvent se jouer la victoire, sachant que ce sera une on question finir à sur un match comme deux points. Oui, je suis vieux, mais sur le terrain, je suis jeune. Vitorino Ribéry. Je suis Ribéry, team là, et quelque part, du coup, offre la victoire à Jules. C'est donc Jules qui remporte ce quiz cette semaine. Sa deuxième, sachant que c'était le point partagé la semaine dernière, mais ouais, sa première mais... véridique, ouais, parce qu'on avait eu trois ex-aequo, effectivement. Donc Jules c'était aura son étoile sur l'équipe de la semaine prochaine. Bravo à Jules. On passe rapidement à l'agenda avant d'avoir nos tips et de nous quitter sur cette émission. J'ai noté que certains événements, et ça tombe bien vu qu'on a peu de temps, on parlera mieux des autres clubs montpellierains la semaine prochaine dans l'agenda. Tout d'abord, samedi prochain, 20h, le Montpellier Hero Sport Club recevra au stade de la Mosson l'AS Monaco, reparti de l'avant depuis les deux dernières journées, porté notamment par le duo Wissam Ben Yedder et Islam Slimani. Les Payadins auront à cœur de renouer avec la goutte de la victoire après la défaite concédée à l'Ameno face au RC Strasbourg hier après-midi. Je n'ai pas noté l'affiche du MHSC féminin. À noter que le MHR, lui, se rendra sur la pelouse de Marcel Michelin face à l'AS Clermont-Auvergne le samedi 5 octobre prochain à 15h30 pour le compte de la 6ème journée de Top 14. Les Montpellierens auront à cœur donc de tenter de rééditer leur dernière belle performance en terre auvergnate. On sait qu'on gagne régulièrement là-bas maintenant. J'ai pas les matchs du MHB. Est-ce que tu les as en tête, Tariq, cette semaine ou s'il y en a un? Non, j'ai pas regardé le calendrier. Bon, je vous laisse vérifier. En ce moment, il y a ça des belles affiches du côté du MHB. Sport and chill, j'ai eu moins de temps ce week-end. Sport. Je m'en excuse, j'étais absent, mais on fera un rappel avec le podcast. Ce sont des affiches. J'espère. On ne perd pas plus de temps. Le MRC féminin reviendra sur le terrain seulement le 13 octobre pour affronter un concurrent à la première place de sa poule d'élite féminine, l'AS Bayonnaise. Le hockey sur glace aussi est de répit avec un match qui rejoint le 19 octobre face à Dunkerque à l'extérieur. On avait dit qu'ils avaient besoin sans doute de repos, de remettre les têtes à l'endroit. Le MWP, par contre, jouera le week-end prochain pour la seconde journée de championnat, la première à domicile à la piscine Antigone contre le club de Reims. Ce sera samedi avec l'objectif de continuer à engranger et faire le plein de points à domicile. En volée, ce sera les deux derniers matchs amicaux avant le début de la saison pour les joueurs du Palais des Sports de Castelnau avant le derby contre l'Arago de 7 le 11 octobre. Donc deux matchs à domicile face à Toulouse à Castelnau le 4 octobre et face à Narbonne le 5 octobre. Ensuite, retour du tour tour de qualification de l'Euroleague pour le BLMA qui recevra cette fois-ci l'Olympiakos mercredi 2 octobre à 20h. Le BLMA ensuite débutera sa saison de LFB le dimanche 6 octobre face au club de Charnay Basket Bourgogne Sud, si je ne me trompe pas c'est un promu, au Palais des Sports de Latte à 13h30. Enfin, deux derniers événements que je voulais citer avant de faire nos tips de la semaine. Match amical à suivre quand même au Costières de Nîmes de l'équipe de France féminine, donc c'est quand même lorsqu'elle joue dans la région l'occasion Florent de le dire. J'y serai présent, Florent a prévu d'y aller. Complètement, je suis un grand fan. Voilà, merveilleux. Avec un France-Islande vendredi soir à 21h. Et enfin, j'ai reçu un message, donc je fais passer le mot à un petit tournoi de football organisé. J'ai vu qu'en plus, les teams m'avaient invité sur l'événement. Ouais, c'est la cinquième ouais. Ray Cup qui démarre ce petit automne avec un tournoi du côté de Saint-Côme avec une tenue vintage exigée. J'ai vu match 6 vs 6, match 3 vs 3, des animations. Donc du côté de Saint-Côme, je vous encourage à suivre cet événement. Ouais. Et donc vous pouvez regarder leur page Facebook pour avoir plus d'informations. Donc c'est 5 octobre, ça s'intitule Ray Cup 5, tournoi 6 vs 6 par Bon Vivre. Voilà, j'avais promis à eux qui nous avaient contactés de mettre en valeur ce petit tournoi. Enfin, je laisse Tim sur les tips parce que sinon on n'aura vraiment pas le temps et on a d'autres programmations. Les tips de la semaine qui seront mis en ligne tout à l'heure. Ouais, j'ai choisi deux combinés. Premièrement, on va essayer de rebondir par rapport à la semaine dernière. J'ai choisi un combiné de tennis avec les ATP 500 de Tokyo et Pékin. Pair contre Uchiyama, je mets pair. Basilashvili contre Pelia. Basilashvili est tenant du titre, je mets Basilashvili. Je vois mon fils gagner contre Isner. Krajinovic, qui en salle est bon, je le vois gagner contre Radu Albot. Et Berrettini contre Murray, je mets quand même Berrettini qui est dans la forme du moment. Cote à 10. Et ensuite, j'ai choisi un deuxième combiné Ligue des Champions. On va essayer. Le Real Madrid qui joue contre Bruges, je vois le Real se rattraper. Je mets Real même gagne de 2 ou plus. Avec une belle cote à 1,80 pratiquement. Tottenham Bayern Munich, je vois match nul. Slavia Prague Dortmund, je mettrai victoire de Dortmund. Juventus Bayer Leverkusen, je mettrai victoire de Juventus à domicile. Barcelone Inter Milan, je vois quand même Barcelone gagner à domicile, même si l'Inter est en forme. Et enfin, Liverpool Salzbourg, pour moi, il n'y aura pas de surprise, ce sera Liverpool à domicile. Et là, on est sur une grosse cote à 36. Très bien, juste quand même je donne le match parce que je l'ai en face des yeux, ce sera Montpellier-Chartres du coup, il n'y a pas de Ligue des Champions je crois cette semaine, donc mercredi 2 octobre à 20h30 c'est au Palais des Sports, René Bougnol c'est pas loin, je vous encourage à y aller, et je vous remercie tous pour cette belle émission, je m'excuse pour le délai cette semaine, ce sera plus le cas la semaine prochaine, on s'y engage et c'est pas facile, émission à suivre tout à l'heure, on est d'accord, je l'ai dit Tom qui me dit en technique, il faudra qu'on s'y tienne, plus de 20h40, c'est 20h25, 20h30 maximum cette année, avec donc Campus Hi-Fi qui nous suit juste après notre émission, donc ne quittez surtout pas Radio Campus Montpellier et le 102.2 FM, et avant Campus Hi-Fi, on se fait un petit plaisir avec un hommage à notre président, c'était Jacques Chirac qui faisait une annonce assez improbable, juste avant la finale de la Coupe du Monde 98 à Paris, qui a vu bien sûr le titre de nos Bleus 3-0 face au Brésil, donc hommage à Jacques Chirac, Coupe du Monde 98, c'est pour tout de suite. Merci Monsieur le Président. Et à la semaine prochaine. Mangez les pommes. Pour ma part, je parlerai de notre superbe équipe tricolore. Pour la première fois dans l'histoire du mondial, elle est en finale. Et elle met à notre portée un rêve que tous les Français attendaient et auxquels ils croient. À toute l'équipe de France, je veux dire, je suis avec vous. Tous les Français sont avec vous. Et que demain soir, la Coupe du Monde soit la vôtre. Que demain soir, la Coupe du Monde soit française. J'en ai la conviction.